Orange. Like signifie j'aime. Offre soumise à condition, dont 40€ par mois remboursés pour les nouveaux clients Orange. Engagement 12 mois minimum. Détails sur orange.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Pour écouter la playlist Énergie. Énergie, hit music only. Avec les cadeaux Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec Orange, je vais réussir toutes mes photos de Noël grâce au Samsung Galaxy A9 et ses 4 capteurs photo. Et ben moi, avec Orange et le Galaxy A9 avec son objectif grand angle, toute ma famille va rentrer dans les photos de Noël. Mais moi, avec Orange, je peux m'offrir le Galaxy A9 avec ou sans abonnement. Attends, t'es pas chez Orange? Faut vraiment qu'on parle, hein. Pour Noël, offrez-vous le dernier Samsung Galaxy A9 en série limitée et en exclusivité chez Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Édition limitée et en exclusivité chez Orange jusqu'au 31 janvier 2019. Détails et tarifs en boutique et sur orange.fr. Avec les jours Peugeot Pro, maîtrisez l'impossible. Vos compétences sont uniques et votre métier spécifique. Les experts Peugeot connaissent parfaitement votre activité. C'est pour cela qu'ils construisent avec vous votre projet d'utilitaire sur mesure pour qu'il s'adapte précisément à vos besoins. Pendant les jours Peugeot Pro jusqu'au 30 novembre, découvrez le nouveau Peugeot Partner et le véhicule utilitaire de l'année 2019 et profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme. Détails sur professionnel.peugeot.fr. Et voilà, vous nous avez élu meilleure chaîne de magasins optiques de l'année. Alors chez Atoll, on aimerait dire merci. Au petit William qui a cassé ses lunettes 7 fois et toujours avec le sourire. À Camélia, la plus matinale de nos clientes. À Paul, le plus tardif. Et à Alice, qui a besoin de l'approbation de tous nos conseillers avant de choisir. Merci à tous. Si nous le pouvions, Atoll vous élirait meilleur client de l'année. Et pour fêter ça, Atoll vous offre pour Noël un cadeau de grande marque pour tout achat d'une paire de lunettes. Atoll, mon opticien. Voir conditions magasin, dispositif médical CE. Leclerc. Chérie, en ce moment chez Leclerc, tu as 70% de tickets Leclerc sur le lot de 3 dentifrices Signal Intégral. 70%, c'est énorme. Ben oui, 70% de tickets Leclerc. Moi, je prends. Du 13 au 24 novembre chez Leclerc, le lot de 3 dentifrices Signal Intégral de 75 ml chacun, variété au choix, est à 3,90€, soit 17,33€ le litre. Avec en plus, 70% de tickets Leclerc. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Ça fait 2,73€ sur ta carte Leclerc. T'as calculé ça, toi? Oui, oui, et ça fait bien 70%. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Damien Danguin est décidé. Décidé à s'offrir du très haut débit. Mais à deux doigts de Noël, il ne faudrait pas que cela dévore son budget, car il est aussi bien décidé à distribuer multitude de cadeaux à sa famille. Eh bien, Damien, bonne nouvelle! Le Père Noël vous a entendu. En ce moment, chez Bouygues Télécom, profitez d'un Noël inoubliable avec la fibre à seulement 17,99€ par mois pendant un an, puis 32,99€. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 1 an, offre soumise à condition et éligibilité sur bouyguestelecom.fr. Avec Conforama, Noël est plus beau. À ceux qui ont décidé d'inviter toute leur famille à Noël, on propose moins 50% sur le canapé d'angle convertible Percy, soit 999€. À ce prix-là, on en connaît qui vont rester. Conforama, jusqu'au 24 décembre, conditions en magasin sur conforama.fr. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Coé sur Énergie de 17h à 20h. Je comprends pas, je dois être trop vieux. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. Avant de partir en week-end dans un instant, avant de vous laisser avec toute l'équipe du Rico Show, je vous explique, ce soir, on va s'échanger. On va s'échanger. Vous allez voir, on va voir si le public fait toujours le malin dans 3 minutes. J'ai une petite épreuve pour vous. Donc, juste pour vous dire que demain soir, le meilleur de l'émission de radio que vous avez entendu vendredi dernier, vous la verrez sur Énergie 12, 23h10, Vita, Claudio Capéo, Jennifer, Big Flo et Oli. Avec un Tamerlan slip de Big Flo et Oli à ne pas rater. Amir qui me drague ouvertement. Ouais. Kenji, Jane qui est avec nous mardi, qui reviendra nous faire un coucou. Oui. Toute l'équipe de Nicky Larson. Vous aviez vu Richard Darbois, vous verrez le physique. La voix d'énergie. La voix d'énergie. On lui fait faire des catégories qui n'ont jamais existé et qui n'existeront jamais. No Energy Music Award, VG Dream qui m'a mis un vent de folie, Maître Gims. David Guetta, Shawn Mendes, Soprano et le petit relooking de sa chambre. Oui, je crois qu'il a apprécié. Hein. Dont oui. Je ne suis pas peu fier. Oui. Avec l'équipe, vous m'avez fait une très belle décoration. C'est les gens verront ça. Nous finissons l'émission et nous finissons cette semaine avec le fait qu'on est numéro 1 TT France. Merci à vous tous. À la fin de l'émission, mais ouais, c'est et cool. Vous avez fait progresser l'émission cette semaine en seulement 2 mois. Merci à vous tous. Merci. Maintenant, il faut que ça continue. C'est que le début. Et il faut que ça continue. Ce week-end, si vous habitez dans le nord de la France, je donne rendez-vous au Purple. C'est à Oison sous Lens. C'est à côté de Lens. Je vais mixer là-bas samedi soir. Donc le nord de la France, il faut que ce soit la meilleure ambiance du monde. Et puis ce week-end, soyez tous prudents sur la route. Faites attention à vous. faites pas n'importe quoi. S'il y a des ralentissements, eh ben, ça sert à rien d'hurler. Et puis voilà, ça va être une journée de demain un peu compliquée parce que les gens ont beaucoup de choses à dire et c'est pour l'instant le seul moyen qui a été trouvé. Est-ce qu'il sera efficace ou pas? Je ne suis pas sûr. J'ai entendu Gérard Darmanin ce matin, ministre du budget, hein, qui a donc déclaré que on lui demandait pourquoi. Je voulais vous faire écouter le son, mais bon, nos ordinateurs ont été coupés à partir de 14h. Mais... à partir de 15h. Donc c'est. Je voulais vous faire écouter le son, il est fantastique parce qu'on lui dit mais pourquoi les taxes augmentent? Il dit parce que le diesel c'est dangereux pour la santé. Ça tue. Ça tue, c'est pire que l'amiante. Donc voilà, alors voilà, en même temps, je sais pas quoi dire à ça, je sais pas quoi répondre. C'est vrai que si t'en bois, c'est pas bon pour la santé. Mais oui, mais c'est pas comme des clopes. C'est pas fou quoi. Sauf que si on compare à l'alcool et les clopes, tu peux arrêter. Que les gens qui ont besoin de rouler, ils ont besoin de rouler. Donc, et dans ce cas-là, si c'est un gigantesque poison, fallait pas nous vendre pendant les 40 dernières années les moteurs diesel les plus géniaux du monde. Ah, mais c'est justifié aussi là-dessus. En disant qu'ils étaient catalysés, etc. Et que maintenant, ça devient le pire poison du monde. Ah bon, il a dit que quand c'était ça, il dit mais moi, j'étais pas encore né. Et oui, j'ai dit non plus. J'étais pas au pouvoir. C'est vrai que la bonne vieille technique de c'est pas moi, c'est l'autre. Ah, ça marche toujours. Ça marche toujours. Celle-là. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est ouf. Ça marche tout le temps, ça, monsieur le président. Bah, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre d'avant. J'étais pas là. C'est l'autre d'avant. Nous, on a fait mieux qu'avant. Ça marche pour les radios, ça aussi, des fois. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est le mec d'avant. Bon, en attendant, nous allons terminer par la dictée des gilets jaunes. À tout moment, je peux m'arrêter. Le public, vous m'éplez les mots. Si le micro tombe sur vous, c'est une façon de parler, vous y allez. Faut que tu te pousses par contre le cas, parce qu'on ne voit que toi. Attention. On y va. Les gilets jaunes. Appel samedi à bloquer tous les points stratégiques. Stratégiques. S-T-R-A-G. Non, là c'est stragique. Stratégique. Stragique. Ah, bah S. Non, je sais pas. On va faire un effort. Stratégique. S-T-R-A-G. Accent aigu. Stratégique, pas stragique. Stragique, c'est le niveau d'orthographe pour l'instant. C'est stragique. Il est assez stragique, mais stratégique. Stragique. S-T-A. Stratégique. Je pensais qu'on allait faire tout le public, mais on va rester sur une personne. Là, c'est stagique. Là. Stratégique, ma chérie. S-T-R-A-T-E-G-I-Q-U-E. Il y avait un S, mais je te le mets de côté. On est bien, on continue. Stratégique à travers le pays. Ceci est une mobilisation générale citoyenne. Citoyenne. Citoyenne. C-I-T-O-Y-E-2-N-E. Ouais. Bravo. Contre la hausse des prix du carburant. La circulation sera donc restreinte. Restreinte. R-E-S-R. Ce n'est pas ça. Restreinte. Kinder Bueno, ça. R-E-S-T-R-E. Tu comptes t'endormir entre chaque lettre I-N. Ou I-N-T. I-N-T. I-N-T, t'es sûr. Restreinte. R-E-S-T. R-E. I-N-T. C'est bon. Mieux vaut prendre les transports en commun ou le tramway. Tramway. T-R-A-M-W-A-Y. Bim, bravo ma belle. Attention à ne pas faire d'amalgame entre les contestataires et les automobilistes. Amalgame. A-M-A-L-G-A-2-M-E-S. Un seul M. Oui. Et les contestataires et les automobilistes lambda, lambda. L-A-M-B-D-A-S. Bravo. Il risque d'y avoir beaucoup de coups de klaxon. Klaxon. C-L-A. Klaxon. Allez, on n'aide pas. Klaxon. Vite. K. Non, c'est pour te faire chier ça. K. K-L. Vite. K-L-A-C. Klaxonne. On y passera le temps qu'il faudra. C'est une cloque, ça. Klaxonne. Klaxonne. K-L-A-X-O-2-N-E. Ah non, il y a K-N et il n'y a pas deux. On reprend. K-L-A-X-O-N.

tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show. Sur Énergie. Ouais! Tellement content de vous retrouver pour 3 heures d'émission. Et le vendredi, on a toujours la connerie, c'est la spécialité du Rico Show. On vous a prévu que des délires. D'ailleurs, les amis, dans 10 minutes, les personnes âgées préférées de France, Papy et Mamie Rico, vont tester les techniques commerciales. Ils vont appeler Audica, vous savez, pour les prothèses auditives. Et ils vont voir en fait si le commercial veut vraiment la vendre. Parce qu'ils n'entendent absolument rien. Et souvent, ça donne des conversations lunaires. Ça crie dans le téléphone. Vous allez voir, on va se taper des barres en ce vendredi. Et puis les amis, on se fera toutes les news de la journée. Malik fera son VTC très tôt. Je vous le dis, dans une demi-heure, on va partir pour un gros délire. Malik veut chasser tous les rats de Paris. Il est équipé. Vous allez voir, c'est un petit peu un chasseur. On va se marrer et puis on va se faire que des conneries. Toutes les 15 minutes, des appels pour rigoler. On va kiffer. C'est le vendredi. Franchement, on veut que se marrer avec du bon son. Taki taki. Taki taki rumba. Vita Estiman arrive. Quand t'es pas là. Let up bitches. Et puis ramenez Sarah à la maison. On vous lit hashtag Ricochot sur énergie. Franchement, vous venez 0800 70 42 48. C'est votre émission. On est en week-end pour beaucoup d'entre vous et on va en profiter. Si vous bossez demain, on vous file plein de courage. Comment il va le tombeur? Bah écoute, en pleine forme. Ah, je vois. C'est le week-end. Ouais. Donc forcément, je suis en forme. Ouais, l'addiction est à son comble. Et en week-end aussi. En week-end, tout va bien. Ça va, JM? Écoute, ça va au taquet. Moi, j'ai un peu galéré aujourd'hui pour venir à la radio. Ouais. Il y avait du monde de partout. Les gilets jaunes, je crois, ils ont commencé. Ouais. Tout ça. C'est bien, eux, on les voit. Ah ouais, au moins, ils ont bien choisi la couleur. Ils s'habillent, ils brillent. C'est ça. Bonne chance à vous, hein, ceux qui vont manifester. Et puis les autres, ça risque d'être un petit peu compliqué ce week-end. Mais voilà, il y en a qui ont décidé de gueuler. Vous gueulez, les amis. Liberté d'expression est là pour kiffer. Ça va, ça? Bonsoir à tous. Bonsoir, Rico. Alors, moi, je suis un peu mitigée. Ouais. Parce que j'ai assisté à une scène fin d'après-midi dans un ascenseur plus que gênante. Bah, entre toi, Rico, et Arthur, le présentateur télé. D'accord. C'était énorme, je vous raconte. On vous expliquera. Avec Arthur, ça n'a pas toujours été l'amour fou. Oh là là. Voilà, puisqu'effectivement, on a fait 45 heures d'émission. On a fait l'émission la plus longue. Et avant, c'était lui le recordman. Ouais. Il nous a allé chercher des noises. On s'est rencontrés. Oh là là. On a kiffé. Oh là là. On va en parler. La gênance. Maintenant, c'est le bail du jour. C'est quoi le bail du jour, mon Rico? C'est dingue. Dingue. Tout le monde en parle. C'est le bail du jour sur Énergie. Eh oui les amis, il est complètement ouf. Ça y est, les infidèles, vous êtes morts. C'est pas une vanne, hein. Ça y est, vous êtes cuits les amis. On a trouvé la recette pour rendre les hommes plus fidèles que jamais. C'est assez sérieux. Est-ce que Sylvain, toi, la fidélité, c'est un truc qui t'a toujours un peu gêné? Ça me fait peur. Ouais. Surtout ça. Il est con celui-là, ça me fait peur la fidélité. Non mais t'inquiète pas, c'est comme l'intelligence a priori, hein. Ah, les deux vont de pair, hein. Les deux t'ont toujours fait très très peur. JM, ça t'intéresse mon remède pour la fidélité? Ouais, pas avec la fille avec qui je suis actuellement, oui, parce que j'ai toujours été très fidèle avec elle, je te jure, c'est la première. Ouais. Mais avant, c'est vrai que j'aurais aimé savoir cette molécule, c'est quoi, c'est... Écoute, j'ai vu une jeune femme passer, t'as fait une petite rechute. Oh, t'as les yeux baladeurs. Je vais te donner mon astuce. Allez, Sarah, la fidélité. Alors, moi, j'y crois à mort, mais c'est vrai que vous, les mecs, la fidélité, ça passe aussi par le regard. Hein. C'est pas juste tromper physiquement, attention. C'est vrai. Donc, s'il y a un remède, je veux bien, je t'écoute. D'accord, les amis, je vais vous parler de cette histoire complètement ouf. C'est vrai, c'est une étude qui s'est avérée et ça se passe avec une picouse. Non, je vous explique tout le délire, c'est énorme. On en parle et les hommes qui sont fidèles, croyez-moi. Dès lundi, vous êtes chez le Toubib. Taki taki, DJ Snake, on est là jusqu'à 23h avec vous. Que des délires. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki, rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le baje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki, rumba. touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? Sale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. The work could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, yeah, my talkie-talkie gives on. Báilame como si fuera la última vez. Enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Tout le monde va en parler. C'est le bail du jour sur Énergie. Oh eh oui les amis, on est super content d'être avec vous. Et pour vous, mesdames et messieurs, les infidèles, c'est peut-être bientôt fini. C'est le bail du jour, l'ocytocine et l'hormone qui rendrait les hommes fidèles. En fait, je vous explique, il y a un petit rongeur, le campagnol des prairies, qui est monogame. D'accord. Lui, il kiffe que sa meuf. Et il voue un culte à sa partenaire. Donc ils se sont dit, c'est quoi ce délire avec ce petit rongeur? Et en fait, c'est parce qu'il dégage et sécrète cette hormone qui est l'ocytocine. Donc ils ont récupéré cette hormone. Ça crée par exemple le lien indéfectible entre une mère et son fils, etc. Et en fait, on sécrète cette hormone lorsqu'on fait l'amour, okay? Et ils ont fait le test, ils ont récupéré cette hormone, ils l'ont décuplé, ils ont pris 50 mecs, ils leur ont injecté sur eux et ils leur ont mis une bebon à côté en secrète dans l'heure qui suivait, et ils n'y ont même pas prêté attention, je vous jure. Et les 50 autres sujets masculins, par exemple, ils leur ont mis la bebon à côté, bah, ils ont tilté, ils ont regardé, ils ont essayé de discuter, il y en a compris le numéro. Et quand t'avais pris cette hormone, que dalle, les amis. Rideau, vous êtes tellement dévoué à votre compagne, vous avez ce sentiment d'attachement qui est renforcé, vous ne voulez plus rien pécho. Alors les amis, moi je vous pose la question, quand est-ce qu'on a besoin d'ocytocine, Sarah? Non, bah attends, excuse-moi, par contre ça ressemble à un truc de marabout, hein, de magie noire, et ton truc d'ocytocine. Mais non, c'est scientifique. Tu tombes amoureux et tout, bref. Je te jure, c'est comme une hormone de croissance que tu fais pour développer quelque chose. Je vais appeler des cousins au bled, ils vont me confirmer, je reviens vers toi. Non, je vous jure que c'est vrai, ça vient de tomber, c'est ouf, hein. C'est un truc de ouf. Un petit peu d'ocytocine. Alors moi par contre, c'est vrai qu'il m'en faudrait un tout petit peu. Un peu d'hormone. Quand je regarde, même si j'en ai, hein, nous on est fidèles, les nanas, c'est bien connu. Quand je regarde un match de foot avec mon mec, parce que vous savez, on vous pose toujours des questions. Il s'appelle comment, numéro 11 à numéro 10? Mais c'est pas pour leur jeu, hein. C'est parce qu'on va les googliser, etc. Lui, il aimerait mettre plus de buts. Il aimerait jouer un petit peu avec sa compagne, hein. D'ailleurs, j'espère que ce week-end va être riche pour tous les deux. Sylvain. Non, mais Sarah, ce qu'il lui faut, c'est une hormone de désir. Attends, c'est pas de fidélité. Excuse-nous, monsieur, il connaît les hormones. Ah oui, il lui faut une hormone de désir. Pourquoi pas? Tiens, on a Hugo qui a fait le 0800 70 42 48. Il habite Périgueux. Ça va, Hugo? Salut Rico, salut toute l'équipe. Alors Hugo, quand est-ce que t'aurais besoin de cette hormone de fidélité, toi? Bah moi franchement j'en aurais bien besoin, mon Rico, parce qu'en fait moi je suis prof de sport. Ouais. Et quand il y a une nouvelle cliente qui vient s'inscrire, ben j'ai du mal à résister en fait. Parce que moi j'ai une femme. Ouais. Et que j'aime, mais quand je vois des nouvelles clientes, je suis tenté de franchir la ligne rouge. Oh, c'est exactement à cause des genres de mecs comme toi que ça me dérange pas que ma nana ait le cul flasque. C'est exactement à cause de toi. Oui, j'ai trouvé un super coach. Écoute, tu restes à la piole. Terminé, Sylvain. Non, mais ce que j'aime bien, c'est t'as vu tous les mecs, toujours ils disent j'aime ma femme, mais. J'aime ma femme, mais. C'est bien, toi, t'aimes jamais personne. Voilà. Non, comme ça, c'est réglé. Non, mais c'est ouf ça. Et Hugo, t'as vraiment cette sensation. C'est vrai, ces profs de sport, ils sont pas insensibles alors. Ah non, franchement, on est des humains et voilà, les petits culs bien moulés, voilà. Ah c'est vrai, là c'est là. Pour être honnête. Je peux plus vous voir. Ah ouais, il n'y a pas de professionnalisme. Non, il n'y a pas de professionnalisme. Non, mais c'est vrai, mais je comprends. Je comprends. Puis les nanas sont très jolies aussi dans le sport et pas que j'y aime. Un autre endroit où les filles sont très belles, les clubs de striptease. Ah ouais. Moi, je veux ma dose avant d'aller dans le club de striptease, tu vois. Attends, mais déjà, comment tu vas dans le club? Ah merde, ouais, c'est vrai. J'aurais dû rien dire. Il est en train de se griller tout seul. Mais t'inquiète pas, elles l'ont pour toi, elles ne veulent pas toucher. Les dames travaillent, elles font une danse, elles s'en vont. J'avoue, tu peux lui expliquer, Hugo, que les nanas aussi, on n'a rien à foutre de lui. C'est grave. Ah ouais, bah oui, je peux te le dire. Non, mais ça, c'est chercher la merde direct. Ouais, bah oui, non. Tu vois, bah la si. Zone dangereuse, déjà, tu l'évites, t'auras pas besoin d'hormones. Non, moi, mon mec, il a bossé pendant 5 ans au Pink Paradise, un truc de striptease, c'est et je te jure qu'il les matait même pas. Mais ouais. Vraiment, je te jure, j'ai vu les caméras de surveillance. Toi, il te faut de l'hormone de lucidité. Hugo, merci d'être passé, on va te faire un petit cadeau, on s'est marré avec toi. Bisous, le prof de sport. Avec plaisir, bon week-end tout le monde. Gros salut, mon Hugo. Bon week-end à vous tous. Les amis, pour faire comme Hugo, 0800 70 42 48, on vous attend. On va se faire les news et le VTC de la peur qui arrive très vite. Mais là, c'est le Canur. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du Canur, le canular du jour sur Énergie. Papy et Mamérico sont de retour. Avec Sarah, on s'est parlé tout à l'heure au bureau. Oui, tout à fait. On l'a brainstormé, on s'est dit, des fois, tu sais, les personnes âgées, on veut tellement leur vendre des dosses, je le vois en tout cas dans les documentaires, que si on appelait justement des audioprothésistes et qu'on appelait pour avoir une, deux, trois prothèses, apparemment ça coûte super cher. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que si on n'entendait pas au téléphone pour fixer le rendez-vous, le commercial à l'autre bout du fil serait prêt à crier pour s'assurer justement de faire le rendez-vous et de faire la vente? Ouais, il serait patient, je pense. Tu penses qu'il serait patient? JM, si je suis commercial, moi je crie, je gueule, je fais tout ce qu'il faut pour te vendre la prothèse. Ah, je te le dis. C'est vrai, tu m'arraches la deuxième oreille que chez j'ai toi pas. Et tout. Je te dis, alors elle est bien cette prothèse ou pas? Il arrive avec les prothèses. Eh bien, moi je vais en commander trois, les amis. Ah ouais. Vous allez voir, on va se faire ça tout de suite et on va voir justement s'ils sont fidèles. Et puis on aura les news de la journée. Il y a du très très lourd dans ces news. On verra notamment pourquoi Sylvain a besoin d'un bandeau autour de la tête en permanence. Ah ouais, ah, la sueur. Ah oui, non, mais c'est un petit peu ça. On va en parler, les amis. Vous bougez pas, on est là pour kiffer jusqu'à 23h. On vous accompagne. Canular majuscule. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Le syndrome d'auto-brasserie est une maladie qui rend ivre sans avoir avalé une seule goutte d'alcool. Non. Comment c'est possible? En fait, c'est un patient qui mange quelque chose qui contient de l'amidon. Et la levure, elle va fermenter les sucres en éthanol et du coup, il va avoir un taux d'alcoolémie positif. Il s'auto-fabrique sa bière. Exactement, il s'auto-fabrique sa petite bière. C'est génial. Et si on lui met un robinet dans les fesses, est-ce qu'on peut tirer de l'eau? Non, ça, je ne sais pas. Ah c'est dommage. C'est quoi? Franchement, il aurait pu se faire 2 euros le demi et on en parlait plus. Manu dans le 6-9. Manu, allez. 6h, 9h30 sur Énergie. Les vacances des anges, Viva España, du lundi au vendredi à 19h sur Énergie 12. Les anges poursuivent leurs vacances à Marbella. Mais après plusieurs jobs ratés, on n'a même pas commencé le job, c'est une cata. Ceux qui veulent rester vont devoir payer le loyer. Départ précipité, alliance inattendue. Mon ex, c'est peut-être ma future copine qui est en train de parler. Clairement, je me dis que c'est une blague, c'est quoi ça? Autant vous dire que l'ambiance est électrique dans la villa. Les vacances des anges, Viva España, du lundi au vendredi à 19h sur Énergie 12. Et voilà, vous nous avez élu meilleure chaîne de magasins optiques de l'année. Alors chez Atoll, on aimerait dire merci. Au petit William qui a cassé ses lunettes 7 fois et toujours avec le sourire. À Camélia, la plus matinale de nos clientes. À Paul, le plus tardif. Et à Alice, qui a besoin de l'approbation de tous nos conseillers avant de choisir. Merci à tous. Si nous le pouvions, Atoll vous élirait meilleur client de l'année. Et pour fêter ça, Atoll vous offre pour Noël un cadeau de grande marque pour tout achat d'une paire de lunettes. Atoll, mon opticien. Voir coulisses sur magasin, dispositif médical CE. À nous, notre super week-end à Venise. Oh oui, j'ai trop hâte, mon chéri. Oh, mais on pourra pas utiliser notre forfait là-bas. Mais si, avec le forfait mobile free, tout est inclus. En plus, t'as 25 gigas d'internet inclus dans plus de 35 pays. Ah, mais c'est génial. Bah ouais, et on a toujours les appels, SMS et MMS illimités pour le même prix. Et comme c'est valable toute l'année, je t'emmène à Barcelone le week-end prochain. Ah, oh, mais merci, mon chéri, merci. Oh non, ne me remercie pas, remercie free. Offre soumise à condition, sous réserve de couverture. 25 gigaoctets en 3G, facturation au-delà. Hors numéro surtaxé. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Énergie Hit Music Only. Avec Muse en concert. Muse est enfin de retour en France avec le Simulation Theory World Tour le 6 juillet à Paris, le 9 à Marseille et le 16 à Bordeaux. Infos et réservations énergie.fr alias-production.fr et point de vente officiel. Nouvel album Simulation Theory, déjà disponible. Muse. Toulouse, en concert. Un événement énergie. Amir. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là. Amir, 14 chansons inédites dans un double album collector. Inclus son single Longtemps. In the life of a kid in America, everyone's a critic, watch them criticize your character. Everybody watching you, people love to stare at you. Everybody's greedy, ain't nobody trying to share with you. Our leaders are embarrassing, I think they need some parenting. Tell me why they playing with the fire and the kerosene. Kids on the Percocet, tripping on the medicine. Call it like I see it, we some drugged up Americans. Everybody's following, ain't nobody leading. People loving guns more than kids is a season. And they say the reason is to protect the freedom, but we don't believe them. All that we are. It's a blessing, knowledge is a weapon. You should choose love instead of being reckless. Candle in the masses, no matter your status. Nothing's ever over, we believe in second chances. Many people dying, governments are lying. Stand for our rights and please no more violence. Start with the kindness, together we united. When we are one, nothing can divide us. C'est la soirée. C'est le Rico Show. 20h, 23h. Sur Énergie. Eh oui, les amis, on est ensemble jusqu'à 23h. Merci d'être là. Hashtag Rico Show sur Énergie. Ça fait trop plaisir de vous lire. Louis-Georges qui dit d'ailleurs, puisqu'on parlait de la fidélité, le bail du jour prouve que l'homme est biologiquement polygame. Tiens, ça donne de l'espoir, puisqu'il faut s'injecter une hormone hein, pour être fidèle. L'ocytocine. Voilà, ça vient de tomber. Mesdames, messieurs, prenez rendez-vous donc chez le docteur. On va avoir pas mal de choses. Les news de la journée. Vous allez comprendre pourquoi Sylvain a besoin d'un bandeau en permanence. À mon tombeur, on va te sauver. Ah, ça enfin. Y est, on va te sauver. Voilà 37 ans que tu nous pourris avec tes vannes. On va te venir en aide, vous allez voir, vraiment, ça va vous plaire. Et puis le VTC de la peur arrive dans 20 minutes maintenant. Malik est chasseur de rats. Ce soir, il dératise à tout va. Vous allez voir qu'il a l'attirail dans la voiture. Et à un moment donné, il allumera la radio. On annoncera qu'il est recherché. Massara est toujours là. Oui. JM aussi. Ouais, je suis là. Vous au 0870 42 48. Et puis on se fera aussi la boîte à questions. Oh ah, c'est la fameuse du vendredi. Toutes les questions qui fâchent, on s'en pose entre nous, hein. Vous les mecs, vous les nanas. Ouais. Moi j'ai pas mal de choses que j'aimerais savoir sur les nanas. Et moi donc. Écoute, pour toi, ton mec est déjà un mystère. Oh, alors ceux des autres, n'en parlons pas. D'accord. On s'écoutera vite à Slimane. Little Peaches. Il fait chez Dream. Et si on se faisait le canuar? Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canuar, le canular du jour sur Énergie. Ma Sarah, Papy et Mamie Rico sont de retour. Ah oui, on est de retour, hein. Et Gontran, que tu es mon mari, tu as besoin d'un appareil, hein. Tu entends rien. Sauf que j'entends tellement rien que je me demande si le commercial en face va pouvoir prendre le rendez-vous avec moi. Ou s'il va répéter aussi fort que possible jusqu'au moment où on signera finalement pour aller acheter ses prothèses auditives. On y va? Oui. Ouais, c'est parti, on file. On va chez Audica, quoi. Oui, chez un audio de prothèse. Plus vite. Bon courage, Dan. Oh. Bon courage, papé, mamie. Mégas. Il est à l'audition, Cindy, bonsoir. Allô. Allô. Allô, oui. Quelqu'un est à un bout du fil. Oui. Allô, oui, madame. Monsieur. Madame. Oui, c'est madame. Monsieur. Oui, je vous appelle parce que ma femme souhaiterait que je fasse un bilan des oreilles. Oui, monsieur. Juste, je vais prendre votre nom, s'il vous plaît. C'est non, pour le rendez-vous. Votre nom, votre prénom. Elle me dit non, la dame. Comment ça? Votre nom. Oui. Votre nom de famille. Ah, c'est... la famille. Ah oui, oui, je viendrai en famille, oui, madame. Non, votre nom de famille. Quel est votre nom de famille? J'ai besoin de deux prothèses auditives. Mais est-ce que vous pouvez me passer madame, s'il vous plaît? Est-ce que je peux passer vous voir? Non, votre femme. Passez-moi votre femme, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Vous pouvez me passer votre femme? J'entends pas. Ah, passe-moi le téléphone, sinon. Hein. Allô? Oui. Oui, madame, je suis désolée. Il n'entend vraiment rien. Il n'y a pas de souci. Juste, est-ce que vous pouvez me dire son nom, s'il vous plaît? Ah oui, alors, Jacquin. Alors, attendez, épelle-lui ton nom, j'arrive. Je reviens, ça sonne à la porte, j'arrive tout de suite, madame. Dites-moi, madame, qu'est-ce que vous voulez? Le nom, votre nom. C'est non, mais pourquoi c'est non? J'ai besoin de ces prothèses. Oh là là. Mais votre nom de famille, monsieur Jacquin, votre nom de famille. Oh là là, est-ce que vous pouvez répéter un tout petit peu plus fort? Je n'entends qu'un mot sur deux, allez-y. Allô? Oui, allô? Oui, madame. Excusez-moi, vous pouvez pas rester en ligne avec moi, s'il vous plaît? Alors, attendez, j'essaie de faire au mieux parce que là, j'ai les petits à garder à la maison. Alors, le prénom, Gontran. Gontran? Avec un D à la fin. Gontran? Voilà, Gontran. Gontran Jacquin. Ok, il est né quand? Il est né le 17 novembre. Bécasse! Calme-toi. 1942. Son numéro, un numéro de portable? Oui. 06, lâche le téléphone. 06, chef. 52. Oui. 88. Méchante. Oui. 24, excusez-moi. Poilu. 28. Et vous habitez où? Vieille Bique. Dans le 13e arrondissement de Paris. Tu te calmes? C'est quoi l'adresse, s'il vous plaît? Chienne. 126 rue Nationale. Senteur de pied. Oh, il me fatigue. Mais pourquoi il est comme ça, en fait? Ah ben, il est comme ça. Il a toujours été comme ça. L'âge avançant. Crevure. Il retombe en enfance. On a eu des arrière-petits-enfants. En plus, ça n'arrange rien. T'es caché. D'accord. Voilà. Chouette, limace, popcorn, cacahuète. Vous avez de la place quand, s'il vous plaît? Dites-moi quand. Bah écoutez, nous, quand vous voulez, demain. Crevure. Samedi, vous êtes ouvert? Non, on est fermé. Non, on est fermé. Ou lundi? Demain ou lundi? À votre convenance. Ah, bah il m'entend alors quand je fais ça. Ah oui, il y a le haut-parleur, hein. Ah, non, mais il entend quand je parle doucement. Ah, mais il entend quand il entend tous les bruits. En fait, il se joue de vous, j'ai l'impression, vraiment. Hein. Oh là là. Bon, je vous ai bien eu, hein. Demain, du coup, à quelle heure, s'il vous plaît? Ah non, pas demain, j'ai non, le pas 19 demain. Novembre. J'ai le 19 je novembre. Je n'entends rien, tais-toi. Le 18 novembre. 19. On va pas y arriver, là. Ouais, il me tarde de voir cette vieille peau. Mais du coup, il m'entend quand je parle comme ça. Bah, alors, mais du coup, il m'entend quand je parle comme ça. Visiblement, oui. Ah. Excuse-toi. Ouais. Excuse-toi tout de suite, s'il te plaît. Sinon, on va pas au rendez-vous. Je voulais m'excuser, madame. Ok, très bien. Excusez-moi. Bah, c'est noté pour moi. Au revoir, vieille bique. C'est pas possible. J'en peux plus de papy Rico. Oh là là. Je sais pas ce que vous en pensez, hashtag Rico Show sur Énergie. En fait, c'est un papy qui est un gamin. C'est les deux à la fois. Les news arrivent, on parlera de ce bandeau miracle. Mais pourquoi faire? Sylvain est sauvé, le neuneu de l'équipe. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Énorme, franchement, ça fait trop plaisir. Papy, Rico est incontrôlable, mais sympa et drôle. On rêve tous d'avoir un papy comme ça, nous dit John et Elisabeth. Ça fait plaisir, les copains. Merci d'être là. Hashtag Rico Show sur Énergie. Si vous aimez nos délires, un énorme délire toutes les 20 minutes, si c'est pas les 15 minutes. Le VTC arrive d'ailleurs dans un quart d'heure. On va se régaler, on va kiffer ensemble jusqu'à 23h. Et là, d'ailleurs, c'est les news. Émeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. Ça y est, Sylvain est sauvé, les amis. L'homme capable de nous dire ça. Qui a peint la Joconde ? Oh, facile. Oh, bah, c'est facile. Ouais. Picasso. Ah oui, bien sûr. Tu sais, moi, j'ai l'alcool joyal, tu vois. Oh, joyal. Je vous donne la possibilité de faire comme moi, de s'exprimer comme on le ressent et à notre manière, de dire des mots d'une autre façon. Eh oui, la première news va permettre de le sauver. Est-ce que t'as une idée, JM, comment on peut sauver cet homme ? Mais je sais pas, un truc, c'est un bandeau, c'est ça ? Ouais. Qui le fait mieux parler. Ouais, ce serait bien, tu sais. Ouais. Mais le bandeau, c'est pas sur la langue, JM. Ah, bah ouais, mais justement, ça connecte, tu sais, les hormones, tout ça, parce que c'est la soirée des hormones. Mais tu vas voir que tu crois pas, c'est bien dit. C'est vrai ? Ah oui, on est hormonal ce soir. Sarah ? Je sais pas, le bandeau, il pourrait lui faire avoir une morale, une conscience. Vous pouvez le mettre sur la bouche, le bandeau. Ce serait pas mal. Jonathan Desperlecs, tiens, dans le 62, a fait le 0800 70 42 48. Ça va, John ? Ça va, et vous, l'équipe ? Bonjour à Écoute, tout le monde. Salut, John. Impeccable. Bon week-end à toi. Ça y est, on kiffe. C'est le week-end. Alors, mon John, raconte-moi, à ton avis, ce bandeau va-t-il nous aider pour Sylvain ? Bon, je pense, hein. Ouais, t'y crois fort ? Ouais. Eh ben écoute, je vais te dire pourquoi il va nous aider. Il nous aide justement parce que il est miracle. En fait, il sait repérer eh bien, les cases que vous avez dans votre tête qui fonctionnent mal, qui sont un petit peu, éteintes. Et en fait, elle vous envoie une électrostimulation de dingue, ce qui permet d'être vif comme jamais. Et ça compense. Quand vous avez un peu la partie du cerveau droit là, qui dort, bam, ça se réveille, je vous jure. Il est connecté à votre cerveau et ça vous l'électrostimule. Et grâce à ça, vous êtes mieux au quotidien. Mais c'est pas possible, c'est hyper dangereux ce truc. Et ça va être légal et tout. Légal, tout. Ah ouais ? C'est vrai, je te jure que c'est vrai. Et puis quand tu veux punir tes gosses, tu leur mets en collier. Bam, ils prennent des châtaignes. Tu te tais, bam. Toi, tu devrais le mettre sur ton petit bout. Hein. Ah oui. Ça te stimulerait un petit peu. Ah. Tu crois ouais. Eh, c'est vrai, Sylvain. Eh, ça, c'est vraiment le neuneu. Ah. Ça tape en dessous de la ceinture. Non, mais c'est chiant. Ça désigne où est son cerveau, finalement. on est pas inquiet, on est dans le bravo, Sylvain. Ah, vraiment, ouais. Bravo. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça pourrait faire du bien. Il paraît, lors d'un contrôle, par exemple. Hein, ils mettent que vous avez tout qui est en éveil et vous répondez plus vite et ça connecte plus vite par rapport aux informations. Genre, quand vous l'avez, ça augmente de 30% votre capacité à ingurgiter des infos. C'est mais non, mais attends, il n'y aurait plus de neuneu, ça veut dire qu'on brillerait plus, nous. Ouais. C'est pas possible, s'il n'y a plus de Sylvain, c'est mort. Mais qu'est-ce que tu parles, toi, la neuneu aussi, là. On sera toujours le neuneu de quelqu'un, ne t'inquiète pas. Non, mais tu sais qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. C'est vrai ? Non, mais c'est vrai, merci. Ça a été scientifiquement prouvé. Mais toi, on est plutôt 4-5. Plutôt 4-5, mais merci. Non, mais ça veut dire que pour les contrôles, tu passes toujours une heure à, je sais pas, à regarder le plafond, assis à là. Ça veut dire que là, normalement, dès le début du contrôle, bam, tu réfléchis direct, tu vas. Efficace. T'es, ça serait bien. Il n'y a pas la première heure dans le vent. Eh ouais, on est d'accord, t'as là, tout celle-là. Ouais, ouais. Tout et puis la dernière heure, elle n'est pas dehors. Parce que la première heure, elle est dans le vent, la dernière, elle est dehors. Jonathan, toi, t'aimerais le bandeau quand, là, pour te stimuler un petit peu au niveau psychique, là ? Ça serait quand j'ai mal au crâne. Ah ouais, quand t'as mal. Ah ouais. Ah bah là, à mon avis, ça double. Là, c'est la double dose, mon John, JM. Sinon, sur le scoot, moi, tu sais, ou en voiture, des fois, je sais pas ce que j'ai, je regarde pas trop la route, c'est pas intelligent. Hein. Mais je sais pas, je regarde la rue, je regarde les passants, je regarde les plaques d'immatriculation. Comme ça, avec le bandeau, bim, je regarde que la route et m'arrête. T'es peinard. Ouais. Toi qui es l'adepte des striptease, tu nous as dit. Ouais. Tiens, je vais te parler d'une news sur les stripteaseuses. Ah. Puisqu'apparemment, on a appris que monsieur, il aimerait bien être plus fidèle quand il va dans mais une boîte à thé. On est déjà assez choqué qu'il y aille alors qu'il est en couple. Ah, ça, c'est pas nous, hein, Sylvain. Honteux. C'est pas nous. Ah, mais il devrait le mettre pour sa meuf, le bandeau. Ça ferait du bien. Non, mais pourquoi il envoie des scutes comme ça, gratuit ouais. Il est gratuit comme ça, il est dans la gratuité. Vous allez voir, c'est complètement ouf. Et les amis, je vais vous parler du seum du jour. Mais c'est un seum, je pense, c'est le gars qui a le plus la rage actuellement. C'est un mec, il est vénère. Franchement, c'est toi ? Mais moi, j'ai appris la news. Non, mais les gars, j'ai appris la news. Je me suis vénère avec Arthur. Ah ouais, c'est ça. Je vais vous en parler, les amis. Les bitches. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. bitches. Allez, les amis, c'est les news. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. Allez, on est avec vous, les amis, pour kiffer. N'hésitez pas à venir vous amuser avec nous. 0800 70 42 48. On va s'écouter. Ramenez la coupe à la maison. Shawn Mendes, Orelsan et Shotgun. On parlait striptease, les amis. Et justement, j'ai une news par rapport à ça. Des supporters engagent une stripteaseuse pour déstabiliser leur adversaire. Ah non ! Si, si, ça tombe, la fin justifie les moyens. C'est ce que se sont dit les supporters du club hollandais du Rimmen Boys. Pour déstabiliser les joueurs de l'équipe adverse, ils ont loué les services d'une stripteaseuse pour une valeur de 175 euros. Malheureusement, l'intervention de la jeune femme n'aura pas eu l'effet escompté puisqu'ils ont perdu, les amis. Et imaginez la nana qui était là, Sylvain. Ah, ça se trouve, l'équipe en face, ils étaient tous gays. Ouais, ça aussi, sert à rien. Ça peut arriver. Mais à mon avis, il y avait quand même preneur. Il y avait quand même preneur. Non, mais ça a dû surtout les déstabiliser eux aussi. Ils sont bêtes, en fait. Parce ça déstabilise une stripteaseuse. Tiens, j'aime toi qui va dans les. Un plein match de foot, évidemment. T'imagines, il est 20h, t'es chaud, t'es cool. Attends, il y a quand même 22 mecs sur un terrain. Tu vois une fille, t'es obligé de regarder. T'es pas bien. Ah ouais, c'est normal. Tu prêtes un œil, quoi. Ah, évidemment. Sur un coup franc, il faut viser la lucarne. Et là, t'as un type qui lui envoie le ballon, tu sais, dessus, pam. Poitrine, et la poitrine. Mais quand même, c'est chaud, les mecs. Moi, combien de fois j'ai déstabilisé des mecs en voiture. Arrête. Je te jure qu'ils ont des petits pets, je te jure, ils se retournaient pour me regarder et bim. Mais parce qu'ils ont vu le monstre. John, mon John qui a fait le 0800 70 42 48. Mon John, est-ce que toi, une stripteaseuse, ça te déstabiliserait sur un terrain? Oh ouais, je pense quand même. Là, je pense qu'à ce moment-là, je mettrais peut-être le bandeau miracle. Et il irait la tchatcher. Et il repartirait avec, tu sais. Eh, t'es bon mon John. Je t'envoie le bordeaux, il arrive, il passe. Ouais, il part en recommandé là. Tu vas le recevoir demain avant 12h, ça tombe. Voilà. Les amis, on continue. Je vais vous parler du seum du jour. Oula. Moi, j'aurais franchement un seum de dingue. C'est le plus gros seum de l'histoire. Ouais, ouais, franchement. Ouais. Si. Le gars, je vous explique. Ouais. Il a vendu sa toile à 20 000 euros. Ouais. D'accord, ouais. Il la vend, tout se passe bien, etc. C'était en 1972. Ouais. Sa toile s'est vendue hier. À votre avis, à combien? Elle était à 20 000 euros au départ. À votre avis, à combien, Sarah? Je sais pas, le double, 40 000. 40 000, bah oui, voilà, correct. Machin. Ok. Le gars n'a pas touché 1 euro sur la revente. Hein, je vous dis, puisqu'il a vendu en 72, il n'y a pas de droit d'auteur. Tu as vendu ton tableau, il est cédé. Il est cédé. JM. Ouais, je pense qu'il y a quand même 30, 40 ans, j'irai les 50, il a plus que doublé. Allez, 100 000 euros. Histoire de déjà 100 000 euros, t'as les. T'es pas bien. T'es pas bien. T'as les bols, hein. les grosses bols. Sylvain. Bah, je sais pas, moi, ouais, 80 000 euros. Ah, je vous dis, c'est plus que ça. Ah ouais, c'est arrête, plus que ça, les amis. On va demander à John. John, t'as une idée du prix de la revente, à peu près? Bon, moi, je dirais 1 million. Je serais peut-être pas étonné. Mais jamais. Eh ben, les amis, je vais vous dire, c'est plus qu'un million, Jonathan. Ah ouais, il ah a ouais vendu 20 000 euros en 1972. Je vous donne son prix. Malik vous parlera de son VTC incroyable. Ramenez la coupe à la maison. Ça, c'est le jeu de gagnant. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 20 ans après, c'est le musicale jusqu'à 23h. Le VTC de Malik dans une minute, les amis. Il est chaud, il est bouillant et d'ailleurs, il est déjà à la table, il va nous en parler. Mais je vous parlais de cette peinture, justement, vendue 20 000 euros en 1972, qui a trouvé preneur hier. Alors, mon John, qui a fait le 0800 70 42 48, me disait 1 million d'euros. C'est ça, mon John ? C'est bien ça. Et tout le monde t'a pris pour un fou ici. Oui, jamais de la vie. Ouais. Tu te rends compte bien, Ludos ? La toile a été vendue 80 millions d'euros. Quoi ? C'est la toile la plus chère de l'histoire et le peintre l'avait vendue en 1972, 20 000 euros. De quoi ? Moi, ce tarif-là, je veux bien prendre à peindre. Hein. Ah bah là, je peux te le dire. Ah bah écoute, oui, moi, avec n'importe quoi, je peins les pieds, tout ce que tu veux, les oreilles, le nez. Sylvain, j'ai compris avec quoi tu peignais. Mais on veut bien tous apprendre, je te le dis. Hein, mais c'est quoi, c'est un nude, le tableau, pour qu'ils se vendent autant ? C'est quoi le délire ? Là, c'est chaud. Non, c'est un beau tableau qui a pris de la valeur et il ne touche pas un euro le peintre. De quoi avoir le... Le seum. Le seum intégral. Ah ouais. Allez, les amis, on se fait le VTC de la peur. Ouais. C'est parti. Imaginez la scène, vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non ? C'est le VTC de la peur et c'est maintenant sur Énergie. Eh oui, Malik est dératiseur ce soir pour faire un maximum d'argent. Ce crevard de Malik multiplie les jobs, il cumule les boulots et là ce soir tu vas aller me chasser tous les rats de Paris. Ah, je les déteste, ah, je peux pas me les voir. Oh putain. Et devinez quoi ? Il a un gros matou, Sylvain le tombeur sera dans le coffre et ça va miauler. Les amis, ça va être chaud. La finalité, allumer la radio et annoncer que Malik est recherché. On est là dans une minute. Gros bisous, Marguerite. Oui, ben, au revoir. Au revoir, t'as rien à me dire ? Merci, ben non. Non, ben non, alors, ben au revoir. Non plus, hein, tu sais. Non plus, d'accord, ben au revoir. Alors, au revoir. C'est pas Anne-Guillaume, c'est pas du tout la personne au téléphone. Qui c'est ? Moi, je m'appelle Coé. Oh, encore ? Quoi encore ? J'ai jamais appelé. C'est Coé, c'est à 17h, c'est sur Énergie. Amir. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là. Amir, 14 chansons inédites dans un double album collector. Inclus son single Longtemps. Vacances des Anges, Viva España, du lundi au vendredi à 19h sur Énergie 12. Les Anges poursuivent leurs vacances à Marbella. Mais après plusieurs jobs ratés, on n'a même pas commencé le job, c'est une cata. Ceux qui veulent rester vont devoir payer le loyer. Départ précipité, alliance inattendue. Mon ex, c'est peut-être ma future copine qui est en train de parler. Clairement, je me dis, c'est une blague, c'est quoi ça ? Autant vous dire que l'ambiance est électrique dans la villa. Les Vacances des Anges, Viva España, du lundi au vendredi à 19h sur Énergie 12. Passez vos soirées de week-end avec la plus belle team DJ. La team DJ Energy. DJ Kostop. Martin Garrix. Armin van Buuren. Sander Van Doorn. Dimitri Vegas et Like Mike. Afrojack. Samfeld. Morgan Nagoya. Jesse. Oriska. Alex Watt. Get ready for the weekend. Ils sont tous résidents en exclusivité dans Energy. Energy Extravagance. Ce soir, 1h. Demain, 21h. Dimanche, minuit. Imaginez la scène. Vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non ? C'est le VTC de la peur. Et c'est maintenant sur Énergie. Eh oui, les amis, ça y est. C'est le VTC de la peur. Malik est au volant de sa voiture. Il va avoir un client, il va allumer la radio et on va annoncer qu'il est recherché. Et ce soir, il dératise. Mais ça dératise grave. Il peut pas voir un rat. Franchement, il les déteste. Et d'ailleurs, il a des pièges dans Paris. Il est armé d'une carabine, hein, je vous le dis, pour fumer les rats. Non, mais il déteste les rats. Il déteste les rats, ça va être un truc de ouf. C'est un truc de d'ailleurs, il aura un gros matou. Un gros rat. Il se barre le matou. Il se barre le matou pour monter dans la voiture, ça va être énorme. JM. On en parle des rats dans Paris quand même, on fait une petite parenthèse, parce que moi j'ai vu des rats, Rico. Mais putain, des trucs, on aurait dit vraiment, c'est même pas tard. T'es sûr que t'as pas vu Sylvain à quatre pattes en rentrant de boîte ? C'était ça. Non, mais il y en a de plus en plus. C'est vrai. Le métro et tout, c'est un truc de ouf. Ils sont partout. Ils sont partout, les ratons. Et d'ailleurs, Malik, les chasses. On va se connecter avec Malik, voir s'il a pu nous récupérer son client, les amis. Malik, qui est comme un ouf. Moi, j'aimerais bien qu'il passe au restaurant de mes parents. Pour dératiser un peu la cuisson. Il y a un couscous au rat, hein. Il y a que chez elle. Tu peux rappeler le nom du resto parce que moi, s'il y a des rats. N'y allez pas. Je donnerai pas ce que je veux pas qu'il fasse, c'est pas vrai. C'est vrai. On s'écoutera du bon son, je vous l'ai dit. Shawn Mendes arrive. Aurel San. Et Shotgun. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Les amis, on va voir que des vannes toutes les quarts d'heure. Soyez prêts pour le VTC de la peur. Malik est en train de récupérer son client. D'ailleurs, on va voir s'il l'a. Il l'a pas tout de suite. Il est prêt à le mettre dans la voiture. On se met Shawn Mendes, les amis. Et c'est le concept le plus ouf de la radio qui arrive sur Énergie. Malik et son client annoncés recherchés pour dératisation. Avec Potard dans le coffre, le gros matou. All they take is one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. The tension, we could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Son client. Ce soir, le maître est de retour. Le champion du monde de la catégorie VTC reprend son volant. Malik, le chauffeur le plus terrifiant, va vous faire trembler de peur. Eh oui les amis, ça y est, il est au volant de sa voiture, son client est bien dans le véhicule et Sylvain est bien chargé dans le coffre. Il est le matou de chasse de notre ami Stan pour dératiser le tout Paris. Vous allez voir qu'il a les bottes, il a le flingue hein, pour choper les rats. Évidemment, tout ça n'est que factice. Eh oui. Et il a des pièges dans le tout Paris. Vous allez voir qu'il est, il est colère. On se connecte avec Malik qui est avec son client. C'est parti, c'est le VTC de la peur, le concept le plus ouf en ce moment en radio. On se connecte. C'est grand parce qu'on bosse tous les jours, tu vois. Après, je lâche pas l'affaire hein, parce que tant que je les ai pas tous tués, je pense que... Tu parles de quoi? Hein? Tu parles de quoi? Bah les rats. Bah, je travaille pour... voilà, je suis dératisateur. Ah, tu fais... Ouais, bah c'est pour arrondir les fins de mois, tu vois. Mais je les chasse. Ouais. Des fois, parfois, je suis avec des clients et je chasse les rats en même temps. Ah, j'ai posé des pièges un peu partout à Paris, alors du coup, je fais attention un peu à tout. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais. Faut faire attention. Hein. Enfin, je te jure, hein, les rats, c'est pièces, c'est la pire des espèces. Ah, je les aime pas non plus. Ah, tu les aimes pas non plus? Ouais, non. Mais toi, ça, c'est pas pour être méchant avec toi, mais t'as une petite tête de rat. Hein. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais. T'as pas des rats dans ta famille, toi? Quoi? T'as pas des rats, un oncle qui est un peu radin, des choses, non? Hein? C'est la connerie aussi que tu racontes. Non, mais je sais pas, je te dis, hein, on sait jamais. T'as vraiment une face d'aura, quoi. Tu ressens la ratatouille, tu travailles dans la cuisine. Ah bah, c'est méchant, moi. Bah, je sais pas, non, mais je préfère être sincère avec toi, quoi. Ah ouais, direct. Non, parce que moi, je les ai pas direct, hein. Ah, ouais, direct, hein. Ah ouais, vraiment. Ah ouais. Il déteste les rats, il envoie même sur le client. Ah ouais, ouais, parce que moi j'aspire directement, hein, je perds pas de temps. Donc fais quoi, hein? Ben je sais pas, mais tu sais, j'ai lu beaucoup d'articles sur les rats, tu vois, les rats de Bolivie, hein, les rats de Perpignan, et je sais qu'ils sont très dangereux, ceux-là. Ouais. Tu sais, tu veux, je te dis un truc. Dis-moi. Einstein disait, si les rats faisaient 20 kilos de plus, ce serait les maîtres du monde. Et je tiens pas à ça. C'est pas une tête d'Einstein, toi. Hein? Oh le bâtard. Oh putain, bah, tu me charries, hein. tu m'insultes le rat. Mais non, je te demande juste, t'as de la famille, t'as des rats en famille, quoi. Ah écoute, hein. Voilà, c'est tout, hein. Bon, désolé un peu pour l'accoutrement, hein, parce que je sais que les autres chauffeurs ils sont en costard, mais je préfère être habillé en. J'ai l'habitude du costard, non? Ouais, le caouet, les petits habits, voilà. C'est quoi ça? Il y a le flingue là quand même. Ah, la carabine? Ça fait quoi? Ah, bah ça pour allumer, hein. Ah, non. Ah, bah j'en croise un dans la rue, j'allume direct, hein. Ah ouais, mon ami, attends, mais non, mais je dois pas avec les rats, hein. C'est qu'il y en a qui. Ouais, moi non plus, j'aime pas les rats, mais avoir une carabine, c'est chaud quand même. Non, mais mon petit, alors tu vas les tuer comment? Ouais, mais tu crois que tu les tues comment les rats? Ah, je sais pas. Avec des pièges que je ne sais, moi. Ah, des pièges. Je t'ai dit, on les posait partout dans Paris. Près de la Seine, hein, parce qu'ils prennent souvent leur bain là-bas. Ouh. Ouais, mon ami. Bah, oui. Le flingue, tu le mets entre moi et bon. On sait jamais, hein. Si tu fais une action de rat, je serai capable de te tirer dessus à tout moment. Oh ah, non. Vous l'avez compris, Malik déteste les rats. Vous êtes dans le VTC de la peur. Et justement, il les voit partout, hein. Voilà. Il est comme un ouf, ouais. Armé de sa carabine. Il est prêt à tout fumer. Il a son chat qui va intervenir très vite, qui est Sylvain dans le coffre. On se reconnecte avec ce client qui est comme un ouf, hein. Comme un ouf à l'idée de voir ça. Il est presque amusé pour l'instant. Il est amusé, il voit une carabine quand même, hein. Et dites-vous que dans un instant, Malik va allumer la radio et on va l'annoncer recherché. Oh là là. Vous allez voir qu'il s'est trompé un jour. Il a confondu un rat et quelqu'un. Ah ouais. Allez, on se connecte avec Malik dans le VTC. Tantôt, hein, si tu veux, ça c'est du rat de Bolivie, comme je te disais. Alors ça tient super chaud. Par contre, tu mets du temps à le choper. Il a des chaussons. Je l'ai couru après pendant des années, hein, celui-là. D'accord. Ouais, j'ai fait là, c'était j'ai tué sa femme, son oncle et le petit là. J'ai fait une fourrure avec. C'est de la bonne fourrure. Hein, je rigole pas avec toi. Hein. Ah ouais, pour une soirée, des chauffeurs. Ah ouais. Non mais attends, oh, je fais un business, hein, faut pas croire. Hein. Là, il y a un pantalon en fourrure de. Y en a pas là, des rats quand même. Hein? Il y en a quelques-uns, mais je te dirai pas où. Ah, t'as peur? J'ai peur des rats. Souris, rats, je rigole pas avec. C'est vrai? Putain, ouais, c'est dans le coffre. Écoutez, on a mis l'enceinte dans le coffre. Oh, génial! Ah non, non, ah. On y croit. Non, non, j'aime pas. Eh, vous vous calmez les babioles! C'est pas les rats! Les amis, on a mis une enceinte avec des rats qui vont se faire de plus en plus pressants. Et devinez quoi? Il y a un gros matou dans le coffre qui va très très vite s'énerver. Est-ce qu'on parlerait pas au matou discrètement? Allez. Comment va le matou? Attends, ouais. Ça va, il a peur des rats. Il a très peur des rats et croyez-moi, Sylvain le matou va bientôt se battre avec la cage de rats. Ça va être un vrai poulailler, un vrai ratier. Ce coffre, ça va devenir complètement ouf. Et puis dans 5 minutes, on annonce Malik recherché. Et il y a le piège aussi, le piège à rats. Et vous allez voir que dans le piège, il va y avoir JM. Ouais, je vais y aller d'ailleurs. C'est parti, ratatouille. Allez, go, c'est parti. Allez, on y va. Orelsan sur Énergie. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Qui le donne à d'autres le paradis? Je n'en voudrais pas. Ils disent que pour tenir un couple, faut l'entretenir tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien en amour. Comme si je devais faire un effort pour t'écouter. Comme si j'avais déjà douté. J'aimerais tes défauts si jamais j'arrive à en trouver. Rien n'a bougé depuis nos premiers je t'aime. Ça fait 7 ans qu'on sort ensemble depuis 2 semaines. Ta peine est ma peine, ma vie est la tienne. Ta famille et la mienne sont la même. J'ai abandonné ces chiennes sur le bord de la route. C'est moi qui devrais avoir des doutes parce que tu les baisses toutes. Je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Pour moi c'est ça de prix, ça fait toujours plus de toi. Tu serais là si je repartais à zéro. À me rappeler les vraies choses, à calmer mes névroses. J'avais un petit diable sur mon épaule. Maintenant j'ai ta tête sur mon épaule. Qu'est-ce que j'irai faire? la seule vérité. Nos enfants donneront un asile, envie d'avoir des enfants métissés. Main dans la main, vieux et fripé. On se rappellera les soirées qu'on faisait tous les deux à fumer des clopes déchirées, à danser au milieu du salon du taffé dans deux heures. Les yeux imbibés d'alcool, déguisés en chopper. Quand tu te marrais à mes blagues les plus nulles, quand on se donnait des surnoms ridicules. On dit que le temps détruit, mais le temps n'est pas notre ennemi. Parce que plus je te connais et plus je me sens béni. Assez béni pour t'emmener à l'église. Dire au prêtre, oublie le truc où la mort nous sépare. On va rester dans cette vie. On aura plein d'enfants parce qu'il y a que ça qui compte. On dormira en pile et comme des maxi monstres. Je vais enfin pouvoir me poser la réponse à toutes mes questions. S'endort à mes côtés. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Qui le donne à d'autres le paradis? Je n'en voudrais pas. Allez, c'est le VTC. Au volant, terreur au tournant. Attachez-vous, danger. C'est le VTC de la peur sur Énergie. Eh oui les amis, yes. C'est complètement ouf. Derrière on aura la boîte à questions. Toutes les questions qu'on se pose sur les filles et les garçons, on va y répondre. Et puis on aura du délire, des appels de ouf. Il y aura l'appel stagiaire. Je vous expliquerai énorme nouvelle. Malik est à bord de son VTC. Il est avec son client. Ouais. Ça se passe plutôt bien. Il est sur une dératisation des gros rats de Paris. Hein, vous allez voir, il est en pleine forme. Le client, lui, pour l'instant, est amusé. Ah ouais. Mais il vient d'avoir peur. Puisque dans le coffre, il a entendu des rats. Des rats que Malik aurait chopés dans la journée. Et là, il fait moins le malin. Et vous allez voir qu'il a des pièges dans Paris qu'il va lever. C'est énorme ce qui va se passer. Et puis, on l'annoncera évidemment recherché. Ben oui, c'est sûr. Ça arrive dans 5 minutes. On se connecte avec Malik dans son VTC. C'est parti, avec son client. Allez. Vous voyez ou pas? Hein? Vous voyez ou pas? Je vois quoi? Non, parlez doucement, putain, vous allez les faire bouger. Non, parlez doucement, putain. Là, au Trocadéro, là, ça vadrouille de rats, là. Ouais, mais... Ah, non, mais là, je te jure, c'est un bordel. La semaine dernière, j'ai chopé toute une famille. Je peux te le dire. Oh, putain. Oh, putain, regarde, ils sortent. Arrête. Regarde, ils sortent. C'est comme à la pêche, on la ferme. Putain, ça me servir d'hameçon, toi. Ah non. L'air sucré. Ouais, ouais. T'es nerveux là, je te mens pas. Hein. Tu vas sortir. Tiens. Non, attends. Tiens. Mais non. J'aime pas les souris. Non, mais non, c'est pas une souris. Écoute-moi, s'il te plaît, attentivement. Prends ce bout de fromage et va le mettre près de l'église. Non. S'il te plaît, une seconde. Et comme ça, quand il sort, je l'allume. Vas-y Bradley, au revoir. Sois agressif. Bradley, tu te calmes maintenant, tu les laisses. Bradley, en plus. Arrête. C'est bon. Non, elles sont en cage. Elles passent pas en deux. Elles sont en cage. Y'a pas des trous. Non, y'a rien, t'inquiète pas. Bradley, tu te calmes, s'il te plaît. Mais t'es niqué. Oh putain, regardez. Ma mère, c'est le pied. Viens là, sors ça. Je ne sors pas avec ça. Mais non, t'inquiète pas. Tu sors pas la tête de moi, je sors mais pas. Non, mais je sors pas avec ça. J'ai mis un piège là-bas, je vais pas faire fonctionner. De ouf. J'ai rien à foutre, tu me laisses pas. Je meurs des souris. Lâche-moi le bras. Je vais voir qui dehors. Je vais juste voir. Il a peur de rester avec les souris. Il appelle les rats, qu'il appelle les souris. C'est bon, je vais calmer, regarde, t'entends plus rien. Oui, non, mais je parle plus. Parle doucement. Parle doucement. Parle doucement. Non, je te dis pas ta gueule parce que je te respecte, mais parle doucement, s'il te plaît. Tu me mets un flingue à côté de moi et tu me mets des souris. Je te laisse là. Attends, je te laisse-moi parler deux secondes. Garde la carabine près de toi. Et si elle crie, je l'utilise. Je reviens, je vais juste voir si le piège a marché. Je reviens, lâche-moi. Il a peur. Malik, il veut pas, c'est la première fois qu'un client veut pas te quitter. Il est dedans, je vais laisser la carabine et y aller souris, mais attends, je vois si le piège à rat a marché. Nickel, attends Malik. Attends. Malik, bouge pas. Le piège à rat, il y aura JM dedans qui a été pris par le piège, il est au bout de sa vie, il est évanoui. Le client va comprendre qu'il y a des soucis. Tu bouges pas, on se fait ça, et puis derrière, dans la foulée, on annonce que t'es recherché. Shotgun sur Énergie, quelle barre de rire. Eh, le client, il veut pas quitter Malik. Il appelle les rats, les souris. Ça sent qu'il a un stress sur toutes les petites bêtes à queue, lui. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. Sun and change in the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Allez, c'est la fin du VTC. Tremblez, le VTC de la peur est de retour. Et si c'était vous? Et si c'était vous, le client de cette voiture, de ce VTC? Non, vous aurez prévenu, les gars. Quel fou rire ce soir avec le VTC. J'imagine Malik talonné par son client. Le client ne veut pas le lâcher. Si vous le rejoignez, en fait, Malik, voilà, il est flippé des rats. En fait, il veut les tuer. Il veut les dératiser Paris. Donc, du coup, il est équipé de sa carabine. Il est équipé de son matou dans son coffre. Et le client, lui, il a un petit peu peur. Il a peur de rester tout seul dans la voiture. Non, normal. Puisque Malik est en train de relever ses pièges dans la rue. Parce qu'il veut pas rester avec les souris. Et du coup, il fait de Malik son meilleur allié alors que c'est son pire ennemi. Et d'ailleurs, on va se faire un flash info dans deux minutes, l'annonçant recherché dans le tout Paris pour avoir commis des méfaits. On va se reconnecter avec Malik, ouais, qui est avec son client. Et là, il est parti lever ses pièges. Et dans ses pièges à rats, aujourd'hui, il y a un homme. Un homme qui a pris le pied, imaginez un gros piège à ours. eh bien on a JM à l'intérieur qui queen. Hein. Et ça, le client va le découvrir. Ouais. C'est parti, on se connecte avec Malik. Allez, putain! Putain! Oh. Malik, tu fais quoi là? Bah, je suis en train de remettre mes pièges à rats. D'accord, ah oui. Non, mais il est fou ce mec. Putain! Ouais. Tu lèves tes pièges, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que c'est, quoi? C'est normal le bruit? Il est allé chercher des pièges à ours dans les brocantes. Mais calme-toi! Putain! Attends, JM, il va se prendre dedans. JM, fais semblant parce que ça fait mal, tes conneries. Hein? Et qu'il le fasse pas. Oh putain, écoute-le. Alors, on sait pas si c'est vrai ou pas. On a le micro de Sylvain dans la voiture. Oh putain, bah monsieur aussi, faut pas rester là. Monsieur, fermez la fenêtre, s'il vous plaît. Fermez la fenêtre. Monsieur, fermez la fenêtre. C'est Sylvain qui s'est pris dans un piège à rats. Il s'est pris dans un piège à rats, il saigne, putain. C'est un piège à rats, mais c'est... Faut pas traîner ici, monsieur. Remonte dans la voiture, laisse-le pour mort. Laisse-le, monsieur, remonte. Monsieur, près de la scène, il y a des rats qui se baignent, faut pas rester là. Je vous laisse ici, crevez. Tu me casses. Allez, on se casse. Pourquoi tu l'aimes pas? On se casse, c'est un bordel. On se casse, c'est un bordel. Faut pas qu'on reste ici. Arrêtez derrière de bouger. Derrière, tu te calmes. Râlez. C'est le chat de Malik qui chasse les rats. Non, mais c'est faux, c'est une blague là, par contre. C'est pas un chat ça. C'est le chat de chasse de Malik. Allô. Putain. Mais t'es niqué ça. Pas visé. Il essaye encore de buter des rats. Qu'est-ce que tu fais? Je parle. Et monsieur, vous arrêtez de me taper, putain, faut rien travailler, bordel. Allez, oh la plaisanterie a assez duré là. Ah ouais. Ça y est, il va falloir se calmer. Le chat, il va la fermer, n'est-ce pas? Écoutez le chat là. Sylvain qui joue le matou de chasse de Malik dans le coffre hein, du véhicule. Et il faut savoir que les souris, hein, comme il dit le client, en fait, c'est juste une enceinte qui fait des bruits de rats, quoi. Ah là là, il est flippé le client, il a plus peur des rats que jamais. Franchement, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on rit dans ce VTC? On va annoncer Malik recherché parce que justement, il a confondu un rat et un homme. Et aujourd'hui, il est en cavale et il voudrait du mal à son client. Oh, en oui. tout cas, c'est ce qu'il va croire. Puisqu'on va faire un flash info des plus crédibles avec Sarah. Derrière, on aura la boîte à questions. Et puis, on piégera des stagiaires d'une grande enseigne de sport. Vous allez voir, ils sont en inventaire ce soir. On a eu des infos avec Sarah. Et on va essayer de foutre le bordel entre le responsable et le stagiaire. La merde, tu peux le dire. Je dirais au stagiaire que j'ai reçu un mail du responsable les citant comme ayant fait le bordel. Et je dirais au stagiaire tout l'inverse. C'est énorme. On va créer une cohue là-dedans. Tout le monde va s'en prendre à tout le monde. Vous bougez pas, toute petite pub et la fin du VTC qui est juste magique. 3 minutes et on revient. Êtes-vous prêt à gagner 10 000 euros? Écoutez ce son. C'est le son à 10 000 euros sur Énergie. Manu qui appuie sur un bouton pour lancer un jingle. Je pense que tu débranches une prise. Lundi matin à 8h30. Écoutez Manu dans le 6-9 sur Énergie. Trouvez-le. Et gagnez 10 000 euros cash. Oh putain! C'est facile. C'est le son à 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. C'est uniquement sur Énergie. Leclerc. Ça, c'est l'océan. Et ça, c'est l'océan qui se désole de la surpêche. Voilà pourquoi Marc Repère s'engage depuis toujours pour l'environnement. Aujourd'hui, 100% de notre colin d'Alaska est issu de la pêche durable et vendu à prix Leclerc. Retrouvez nos engagements sur marcrepère.com. Vous pourrez toujours compter sur Marc Repère. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Les vacances des anges, Viva España, du lundi au vendredi à 19h sur Énergie 12. Les anges poursuivent leurs vacances à Marbella. Mais après plusieurs jobs ratés, on n'a même pas commencé le job, c'est une cata. Ceux qui veulent rester vont devoir payer le loyer. Départ précipité, alliance inattendue. Mon ex, c'est peut-être ma future copine qui sont en train de parler. Clairement, je me dis que c'est une blague, c'est quoi ça? Autant vous dire que l'ambiance est électrique dans la villa. Les vacances des anges, Viva España, du lundi au vendredi à 19h sur Énergie 12. Démarrez la fête du samedi soir sur Énergie avec l'émission référence des DJ, le hit des clubs Énergie avec DJ Buzz. Tous les samedis, 20h. Écoutez sur Énergie les 40 titres les plus joués en club. Partout en France. La référence des DJ. Le hit d'éclat d'énergie. Avec DJ Buzz. Le samedi, 20h. On the radio. Chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur et c'est maintenant sur Énergie. Ouais, les amis, ça y est, vous êtes au cœur d'une heure sans pub, que du kiff, des bons sons derrière la boîte à questions. Et vous allez voir qu'on a pas mal de questions à se poser entre sexes, voilà, aux filles, aux mecs. On éludera tout. Non, mais c'est vrai, hashtag éludé. Oh non. N'hésitez pas à commenter, hashtag Ricocho sur Énergie. Vous êtes mort de rire avec Sylvain. Si vous nous rejoignez, Sylvain, en fait, il est dans sa voiture, hein, dans le coffre de la voiture de Malik. Oui, c'est Bradley le chat. C'est Bradley le chat, puisque Malik, ce soir, notre chauffeur VTC, eh bien, est dans la dératisation. Il chasse les rats. On va allumer la radio annoncer qu'il est recherché. Le client ne veut plus lâcher Malik. Ah bah c'est sûr, là. Il ne veut plus du tout, puisque il a peur de rester dans la voiture avec les rats de Malikus. Ouais, on verra après le flash. Hein. On va voir. On va voir, puisque là, on va annoncer à la radio qu'évidemment, Malik est recherché. Puisqu'il aurait confondu un rat et un homme et ça arriverait un peu plus souvent que prévu, quoi. Pas une simple erreur, c'est pas une bévue, quoi. Hein, vraiment, apparemment, il a la gâchette facile. C'est ça. Lui qui a sa fausse carabine dans sa voiture. On va se connecter dans la voiture de Malik. Derrière, on se posera les bonnes questions avec la boîte à questions et l'appel stagiaire arrive. Énorme. On va foutre le bordel dans un magasin de sport qui soit un inventaire, les gars. On va foutre un bordel monstre entre les stagiaires qui se plaignent du responsable et le responsable qui se plaint des stagiaires. On va les faire se confronter. Énorme délire à venir. Allez, on se connecte avec Malik dans son VTC avec son client. J'essaye de pas le faire tout seul, tu vois. Quand je suis tout seul, ça marche pas. Je préfère qu'il y ait encore un client avec moi, comme ça bon, on est deux, c'est plus facile. Parce que les rats, sont des fois, sont très très gros. Hein. Un client qui a pas peur. Moi, Ah, vous avez peur? Moi, j'aime pas ça, clairement. Non, bah, moi aussi, j'ai peur, hein, vous savez. Après, le matou que j'ai dans le coffre, là, bon, après, je l'ai chopé au bled. Hein. Bon, du coup, il a de l'expérience, hein, il en a chopé, hein, des animaux. Hein. Tu appelles ça un matou, toi? Ah, bah, un matou, c'est un sacré chien, hein. C'est un bon chat, quoi. Sacré, si tu veux, comme il bouge la voiture. Ah, ouais, mais il la bouge bien, la voiture. Il fait plus de poids que toi. Maintenant, fais bouger la voiture. T'as vu comme il est calme, les petites souris? Oui, mais je... Calme les souris, calme-les. Allez, prends ta rue. Ah, ouais. Il est en train de bouffer une souris, mort. C'est normal. Du fantasme. On me rappelle. Il est dans la cage avec eux. Allez Malik, allume la radio. Je vais mettre la musique pour le calmer. On va mettre un peu de musique, t'as calmé Bradley, on te met une petite musique. Allez, je mets la musique que t'aimes. C'est énorme. Malik, dans 10 secondes, tu vas allumer la radio. Je vais mettre comme si je faisais un son. D'accord? Je vais l'interrompre au bout de 10 secondes et on va faire ce flash info. Genre, on est obligé de faire la dépêche. C'est parti, les amis. Obligé d'interrompre la radio, les amis. Une dépêche vient de nous parvenir. Toutes les stations y sont confrontées. On aurait un chauffeur VTC qui serait activement recherché. D'ailleurs, Sarah Cadour, notre journaliste, est là pour faire le point sur l'enquête. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, alerte. Le gang des dératiseurs serait sur le point de faire une nouvelle victime à bord de leur VTC de marque Citroën noir après avoir laissé pour mort un passant dans leur piège à rats. Le chef de gang, Malik, se sert de sa couverture de faux chauffeur VTC pour kidnapper ses clients. Pour les amadouer, se fait passer pour un dératiseur qui cherche à les éradiquer à l'aide de sa carabine. Le forcené bénéficie de l'aide d'un complice planqué dans le coffre du véhicule et qui se fait passer pour Bradley, un chat de chasse. C'est dire la folie de ces deux criminels. Si vous les croisez, fuyez immédiatement. Merci Sarah, on prend évidemment des nouvelles de cette affaire. On repart en musique sur Énergie. Il a coupé la radio, on écoute la réaction du client dans le VTC de Malik. Il le sait désormais recherché dans toute la France. Putain, merde. C'est quoi ça, je te parle? Putain, fais chier. Putain, c'est trop, non? Bradley, on est grillé. Qu'est-ce qui est grillé? Bradley, on est grillé. Écoute-moi. Sors ta tête du coffre. Mais la vie de ma mère, ça va m'énerver. Écoute-moi bien, je te parle. Je te parle pas, moi. La vie de ma mère, je vais te défoncer. Mais tu peux jouer sur la vie de qui tu veux, moi sur la vie de Bradley, je te défonce. Mais t'es niqué, toi. Mais qu'est-ce que ça? Bradley, sors du coffre, on est grillé. La vie de ma mère, je vais appeler les gosses. Tu vas prendre une barre. Arrête de miauler, putain, c'est pas. C'est quoi ça? Oh, je te parle. Oh, tu la fermes dedans. On est grillé. Les gens s'arrêtent dans la rue, c'est la merde. Non, c'est une blague, monsieur. Vous êtes en direct sur Énergie, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mal, tout va bien. Malik n'est pas recherché, Sylvain n'est pas un chat, Sarah fait un faux flash info, oui. Tout va bien, c'est une blague, il ne va absolument rien vous arriver, la carabine est fausse. D'ailleurs, on a mis du temps à la faire maquiller, hein, puisqu'elle est le bout rouge, vous savez. On a mis l'indélébile dessus, on a maquillé. Moi, j'en connais un qui est le bout rouge aussi. Ah oui, merci Sarah. L'embrasse Mehdi, à qui ça n'arrive jamais. Hein, à qui ça n'arrive jamais, parce que Popol est bien au chaud. Il est malade. Malik, il est là le client. Ouais. Moi, je suis avec le client. Bradley, mort le client. Non. Ça va, monsieur, c'est une blague. Vous êtes en direct sur Énergie. Il est stressé. C'est fou, en plus, je suis un gros. Oui. Il peut me ramener chez moi quand même. Oui, par contre, il y a des vrais rats. Faites attention, il sort. On va vous offrir une TVLED, franchement, quel bonheur. Énorme, dites-moi voilà ce que vous en avez pensé, hashtag Ricocho sur Énergie. On va passer à la boîte à questions, les amis. Et surtout, on va laisser le client et Malik reprendre leurs esprits et nous diront comment ça s'est passé. La boîte à questions est là, les amis, avant l'appel stagiaire qui arrive dans un quart d'heure, qui est complètement ouf. Tiens, je vous passerai à 21h40. Vous allez voir, on va se faire ça ensemble. On va délirer. Il y a une grosse histoire. Les amis, la première question que j'aimerais poser aux garçons, elle s'adresse. Est-ce que vous, les mecs, vous pouvez dormir avec une meuf sans arrière-pensée? Genre, tu dors et il peut rien se passer. Je parle pas de ta reuse, je parle pas de ta mère, évidemment. Je parle genre, t'es avec une copine, tu dors, tu rentres de soirée, elle t'héberge dans le même lit. Est-ce que tu peux dormir sans arrière-pensée? JM nous répondra, Sylvain nous répondra. Et puis, quand même, une question pour les filles. Oui. Bah oui, les nanas, on a envie de savoir plein de choses. Pourquoi les nanas voulaient des mecs gentils? Ouais, bah et puis, dès qu'il y a un bad boy un peu macho qui débarque, vous avez la dalle sur lui. Vas-y. Après, c'est il est trop gentil, est toujours d'accord avec moi, machin. Mais... Et en même temps, quand vous avez le bad boy, vous y allez. Tête baissée, on va en parler. Okay. 0800 70 42 48. Et ouais, vous les mecs, pourquoi vous dormez pas, évidemment, sans arrière-pensée? Vous les nanas, pourquoi le bad boy est pas gentil? C'est vrai. Ma Bella, MHD, on y va. On est là jusqu'à 23h. On a du lourd et l'appel stagiaire arrive dans la foulée. C'est une tuerie, ce délire. Nouveau délire. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Seen you, I can't move on. Can't move on. You wind up that waist, making me dance now. Can't move on. Oh my girl, so sexy. The way she dance, so sexy. So she give me love, sexy. You making me once more sexy, girl. With your sexy body, come and chop my money, yo. Ay ay ay ay. Oh yeah, take all my money, put them for your head. Ay ay ay ay. Make we Maya they go, baby girl, so. Make you drop all my money. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Ay, ay, ay, ay. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur, elle l'a mis game over. Dans mes bras qu'elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey. Aïe aïe aïe aïe. Mon cœur va chier là pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. Allez les amis, on vous attend. Le Rico Show. Le Rico Show. C'est votre émission. Alors, passez à l'antenne. Passez à l'antenne. 0870 42 48. Et grâce à Sylvain Radin, l'appel est gratuit. On dit merci qui? Le Rico Show. 20h, 23h. Sur l'énergie. Eh oui, les amis, après ce VTC complètement ouf, on enchaîne. C'est la boîte à questions. Et on se pose une question ce soir. Est-ce que vous, les mecs, vous pouvez dormir avec une meuf sans arrière-pensée, JM? Franchement, tu connais la réponse. C'est pas peu de poser la question. Non, il y a toujours un minimum, une arrière-pensée, même si elle est infime, tu vois. Ouais. Sauf si vraiment la fille elle te plaît pas du tout. C'est vraiment là tu te dis bon ben voilà, je dors avec une meuf, c'est comme si je dormais Par exemple si tu dormais avec Sarah, bah est-ce que dans la nuit ça pourrait t'effleurer? Sarah elle est mariée, je suis en couple, qu'est-ce qui se passe ce truc entre moi? Tu dors avec elle collée, est-ce que ça t'effleurerait pas à un moment donné de te dire ça t'excitera un peu? Mais non. Jamais. Ça t'excitera un peu? Mais non. Jamais, moi je me barricade. Je la vois tous les jours en plus, ça fait deux ans, je la vois tous les jours. Ça t'exciterait un peu de dormir avec Sarah toute une nuit? Mais non, en plus elle va chanter pour s'endormir, le centre du monde. Je me barricade, moi. Tu vas demander à Sylvain Tombeur qui est de retour. Comment il va, mon Tombeur? Allez, bravo pour le VTC, champion. Tiens, on se posait une question, là, mon Sylvain. On se demandait, est-ce que vous, les mecs, vous pouvez dormir, justement, avec une meuf sans arrière-pensée? Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Par exemple, tu dors une nuit avec Sarah, tu te chauffes. Ouais, je pense qu'à 4h du mat, je mets la petite main. Mais t'es sérieux, bien sûr. Mais t'es un grand malade, dégage, y'a même pas à tester. Il prend une crampe directe, mais il est fou lui. Non mais sérieux, on va demander, tiens, Richard qui a fait le 0800 70 42 48, il est de Lot-et-Garonne. Ça va Richard? Ça va, un des caves. Salut mon Richard. Alors Richard, c'est possible? Bah oui, moi j'ai une copine d'enfance, elle vient souvent à la maison, on dort ensemble, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais à part la copine d'enfance, généralement, tu fais une petite nuit avec une amie d'un an, deux ans, tu dors avec elle. Ça, je sais pas, ça, à mon avis, là, il y aurait problème. Ah bah oui, on dit bien, bah bien sûr, Sylvain. Déjà, la copine d'enfance devient la copine d'adulte. Hein. Il est con ce tombeur, mon Richard, mais c'est pas possible. Donc en fait, vous êtes tous des animaux, on peut pas dormir avec son meilleur pote. C'est l'instinct primaire. Ah d'accord, ok. Donc dormir avec une nana, en plus, la nuit, tu sais, ça t'évoque plein de choses. C'est le contexte, la chaleur du corps, les frottements. Et tant, t'es dans le même plumard, quoi. Mais vous faites flipper. Ouais, mais non, mais sinon, nous, elle dort à poil, moi aussi, et il n'y a jamais eu de problème. Richard, arrête un peu. Qu'est-ce qu'elle a, ta copine d'enfance, pour être si moche? C'est une bombasse, justement. Ah, c'est une bombasse, c'est jamais tu te chauffes. Oui, mais après, c'est une amie d'enfance, si tu l'as connue à un an, deux ans, trois ans, ça devient une sœur dans ton intellect. Voilà. Pour moi, c'est ma petite sœur, donc voilà, il n'y a pas de problème. Je t'envoie Sarah une nuit, à mon avis, tu ferais de rire. Non, mais attends, déjà, tu ne vas pas dormir avec un pote de courte date, tu ne dors pas avec lui, déjà, de base, tu ne crées pas ce contexte. Par exemple, moi, je suis sûr que tu dors avec Sylvain. Même ça fait 4 ans, 5 ans que vous connaissez, et une petite histoire, vous dormez ensemble. Je pense que Sylvain, lui, serait moustillé pareil. Hein. Jamais. Il t'a touché les cheveux dans un les club. Les cheveux, la chemise et tout, alors qu'il avait 20 grammes d'alcool dans le sang, le mec. Alors tu penses qu'il va dormir avec toi en rentrant de boîte sans arrière-pensée? Bah ouais. Et en plus, moi, ce qui m'excite, c'est l'odeur du lit. Ah ouais. Tu sais, les meufs, quand elles ont l'odeur du lit. Le drap froid. Ouais, je sais pas, il y a une odeur qui dégage et ça m'excite. L'odeur du lit. Ouais, je sais pas. Les phéromones, Les phéromones, tu sais, ça. L'odeur que tu fais quand tu dors, en fait. Ah, ouais. D'accord. Ouais, c'est un petit peu ça, tu sécrètes le gras. Ça sent la friteuse. Ah, bah là, je te le dis. Il y a Gaylor qui a fait le 0800 70 42 48. Ça va, Gaylor? Salut Rico, salut l'équipe. Salut mon poulet. Alors raconte-moi, mon petit poulet, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, toi, tu pourrais dormir avec une amie sans arrière-pensée? Écoute, il m'est arrivé une histoire assez récente. Ouais. C'est une de mes meilleures amies. Ouais. C'est entre guillemets ma sœur de cœur. D'accord. Et si tu veux, j'ai passé un petit moment avec elle une après-midi tranquille et on a dormi chez elle. Ah ouais. Là. Ah ouais, d'accord. On a dormi dans la même chambre. Normalement, c'était une sieste. C'était une sieste ou une nuit? Alors, normalement, j'aurais dormi dans un faux matelas sur le sol et elle dans son lit. Ouais. Mais au bout d'un moment, elle avait besoin de réconfort. Moi aussi, on avait fait une mauvaise passe à ce moment-là. Oh la mauvaise passe, je la connais. Ça trépasse. Alors, je vous rassure tout de suite, je suis pas allé jusqu'à l'acte. Mais j'avais de gros sentiments pour elle et... Il y a eu frotti-frotta. Bah, t'aurais aimé lui dire que tu l'aimais d'amitié, mais avec ton sexe. C'est un peu ça. Je suis pas de ce genre-là, Rico. C'est sympa d'y penser, mais je suis pas de ce genre-là. Ah. Ouais. J'étais plus délicat. On s'est échangé très vite un regard dans... C'est chaud. Déjà, comment tu décris le délire? Moi, je suis dedans. J'ai l'impression que ça va. Et il y a eu quoi, mon Gaylor? Il y a eu que juste on s'est endormi entrelacé, mais sans Faire. Il y a eu frottement, il y a eu demi-frottement. Et au réveil, ça a donné quoi alors? Parce que si tu t'endors entrelacé, ils ne parlaient plus, ils n'osaient plus se regarder. Pour la petite histoire, on reste en contact. mais elle a toujours son copain. Et même si elle serait libre, j'aurais beaucoup de mal à me mettre avec elle. Ça reste une grande sœur pour moi. Bravo. Félicitations. Bien, bravo. Hey, Gaylor, on va te faire un petit cadeau. Merci d'être passé, mon Gaylor. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Rico. Vous êtes génial, l'équipe. On te kiffe. Merci, mon Gaylor. Ciao. T'es un amour, tu passes quand tu veux. Bisous, mon frérot. Hey, Richard. Tiens bon, hein, tiens bon avec ta meilleure amie d'enfance, mais on a compris que t'étais un peu fébrile avec les autres. Ouais, j'ai pas de problème. Allez, on t'embrasse, mon Richard. Merci, t'es une bombe. Je t'embrasse. Je t'embrasse, mon Richard. Allez, les amis, prochaine question. Il y a du lourd. On va demander aux filles. Vous voulez toutes des mecs gentils. Mais une fois qu'ils sont gentils, dès qu'il y a le bad boy, vous préférez parce que justement, le type avec qui vous êtes, il est trop gentil. Il est là pour moi, on s'engueule pas, tu vois. On est sur les mêmes ondes. Et ça, j'ai jamais compris. Ah, quand on est trop gentil avec vous, c'est soit la friendzone, c'est terminé, il n'y a rien, soit bon, ça vous va plus. Alors, on va en parler ensemble. Et puis, il y aura une nouvelle question pour les mecs. On se demandera si tous les mecs, à un moment donné, ont eu une pensée en se disant, est-ce que je suis gay? Ah, voilà. C'est sûr. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu la question? Est-ce qu'on s'est regardé la nouille et on s'est dit, est-ce que je pourrais être gay? Voilà, on se la posera après Born to be Yours. Hashtag Ricochot sur énergie, réagissez justement à la boîte à questions et puis on aura les Little Mix là qui vont arriver. Le groupe Star en Angleterre. On leur passera un petit coup de fil pour savoir comment elles vont. Les nouvelles Spice Girls, hein. Franchement ça cartonne là-bas, des millions et des millions de fans. Et on les aura au téléphone. Normal. Ah oui, c'est le bonheur. Allez, c'est la boîte à questions, on vous attend 0800 70 42 48. Ah, quand tout va bien, il y a tout le monde. Mais quand ça ne va pas, il y a qui? Eh ben personne. Ah si, eux ils sont là. Le Rico Show, 20h-23h. Sur Énergie. Ouais. Eh oui les amis, on en parle. Vous, les mecs, hein, justement, est-ce que vous avez déjà été un petit peu gay? Est-ce que vous êtes déjà dit, est-ce que je suis gay ou pas? Est-ce que vous, ça vous a trituré? Est-ce que vous êtes posé la question, quand je dis triturer, c'est l'orientation sexuelle? Est-ce que je suis plutôt, je kiffe les hommes ou pas? C'est la question que les filles ont souhaité poser ce soir. Et là, justement, comme on a parlé des mecs incapables de dormir avec des nanas sans arrière-pensée, grosso modo, on va enquiller et puis on va demander aux filles, n'est-ce pas Sarah? Oui. Pourquoi vous les filles? Oui. Franchement, quand vous êtes avec un mec gentil, vous cherchez un bad boy. Alors, t'as rien compris. Est-ce Pourquoi que tu connais la demi-mesure déjà? Ouais, vas-y. Nous, ce qu'on cherche, c'est un mec. C'est un mec qui sait être. Non, c'est un mec qui sait être ferme dans les moments où il faut être ferme. Ouais. Par exemple, la nana sort en boîte avec ses copines, pas en décolleté pigeonnant. Faut pas prendre le mec pour un pigeon, justement. Bah alors, c'est à lui de lui dire, écoute, mets un col roulé, c'est ça? Mais pas un col c'est roulé. C'est ça que t'attends qu'on te dise de mettre un col roulé. Mais pas un col roulé, mais un minimum de pas prendre le mec pour un con. Je serai avec mes copines, faut que je respecte le mec un minimum à distance. Alors, c'est pas à lui de te fliquer. Mais pas me fliquer, mais me donner des conseils. Tu veux pas te faire embêter? T'es plus classe si tu mets pas, si on voit pas tes seins. Mais tu comprends rien. D'accord. Alors, ok, donc ta nana, toi, chérie. Je vais en boîte avec mes copines, elle est habillée comme une biatch, tu vas lui dire oh, ok super, ça n'a rien à voir avec ma question. Ça n'a rien à voir avec ma question. Moi je dis pourquoi quand vous avez un mec gentil qui est là pour vous, qui vous ouvre la porte, qui prend soin de vous, qui est à vos côtés, qui est une épaule, qui vous accompagne au quotidien, qui vous permet de grandir, vous allez tout, vous dites tout de suite il est trop gentil, vous cherchez un bad boy. Mais c'est l'homme parfait que tu me décris. Nous on cherche le mec que t'as décrit avec un petit côté plus ferme. Et qui tu es en train de me dire qu'il faut qu'il t'habille en boîte de nuit, mais ma t'as rien compris, c'était une métaphore. Mais tu vois, je suis sûr que les gens ont compris. Non, tu comprends rien, ne prends pas les gens en otage. Bien sûr, tu prends en otage. T'es à la rue, ça. Jamais. Là, elle est là, elle est avec un col roulé pull, mon frère. C'est Médic qui t'a dit. Mais non, regarde, on voit mon nombril. Donc voilà, excuse-moi. Il a pris cher à nous. Il y a un peu. Il y a quelque chose qui est sorti par le nombril. Oui. JM. Parce que comme tu dis, Sarah, si tu respectes ton mec, tu mets pas décolleté si tu sors pas avec lui en boîte. Mais t'as pas besoin de lui pour te dire non, mais sors pas comme ça. Elle a cru son mec, c'est Kiabi. Ouais, non, mais un col roulé, chérie. Il veut de la poigne sur ses vêtements. Mais t'es dingue, mais tu t'habilles comme tu veux. Tu peux être en couple avec un mec et mettre un décolleté pour aller en boîte de nuit. C'est quoi mais ce délire? Oh là là, il a rien compris. Mini short, décolleté, pas être habillé comme une biatte. Je peux mettre un décolleté, si mais il y a envie, une demi-mesure. Si t'as envie de sortir l'été avec un mini short, un décolleté, il fait chaud dans le sud, t'as envie d'aller en boîte de nuit, tu le mais mets. Mais t'es ouf, donc, mais t'es malade. Je crois que moi je vais laisser mon mec sortir en string en boîte de nuit. Mais t'es fou, attends, quoi. Attends, mais elle est. Ah ouais, ton mec il met des strings. Attends, Sylvain qui a pas trop parlé. Elle a la masse. Elle a la masse totale, cette masse. Oh là là là. Mais qu'est-ce qu'elle fait en couple? Elle me dit qu'elle a pas le droit de s'habiller comme elle veut. Elle attend que le mec la coche sur les sables. Mais ouais, mais va voir l'autre, là, la brésilienne, là. Vous êtes des hypocrites. Toi, Rico, dis la vérité, je t'en supplie. Je prends en otage tout le monde, là, j'ai rien à foutre. Ta nana sort en boîte avec ses copines. Elle sort de la baraque, elle est habillée mini-jupe, ras-la-fouf, décolleté de dingue et talons de biatch. Jure sur ta vie que tu lui dis pas. Mais je m'en fous. Un minimum, s'il te plaît, ma belle. Elle s'habille comme elle veut, je l'aime pour ce qu'elle est. Si elle, dans sa tête, elle a envie de s'habiller comme ça que je suis avec, c'est parce que je l'ai validé. Mais elle te respecte pas. Mais t'es malade, elle me respecte pas. Tous les mecs vont la brancher. C'est une question de confiance, tout simplement. T'es un hypocrite. Moi, j'ai déjà été avec des nanas qui s'habillaient très court, etc. Ça fait quoi? Tu s'en fous. Tu m'énerves. Non, mais c'est vrai. Oh là là, je veux des témoignages, s'il vous plaît. Des témoignages, tu me vois sur internet, tu me tapes avec mes ex-compagnes, elles étaient habillées fun et elles font ce qu'elles veulent. Qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème? Non, mais de toute façon, elle est hors sujet depuis le début. Bah oui, elle est à la rue. Parce qu'on parle des mecs gentils. C'est-à-dire qu'elles aiment bien les mecs gentils, tu sais, ça reste à la baraque, ça fait la popote, ça bouge pas. Si, si, c'est ça en général. Shaima a fait 0870 42 48, elle habite de Saint-Sulpice. Ça va, Shaima? Coucou Rico, salut tout le monde. Salut Shaima. Shaima, est-ce que t'es outré par ce que vient de dire ça? Alors, un peu parce que je suis d'accord, elle a répondu hors sujet. Eh oui, elle est hors sujet, elle a la chaise. La meuf, je lui dis pourquoi. Mais à la par base, contre, voulais... je la rejoins. Elle a raison. Oui. Ah oui, elle a raison. Non, mais par contre, t'es d'accord mais avec moi, elle a répondu chaise. À la question. Mais elle n'a pas répondu. À la c'est exactement ce que j'étais en train de lui dire. Oui, mais j'ai raison. Voilà. Mais pourquoi tu déplaces ce sujet? Eh, tu sais quoi? Eh, au fait, les gars, chez McDo, c'est grave. On s'en fout. Elle est folle. Shaima, raconte-moi un petit peu ce que t'en penses, toi. Au départ, vous voulez des gentils. Et puis après, finalement, vous aimez le bad boy. Pourquoi? Bah moi je suis plus du côté mauvais garçon. Donc les mauvais garçons j'adore parce que ça a du caractère. Effectivement comme elle a dit Sarah, quand à un moment donné tu vas sortir en mini-jupe, le mec il va te stopper direct. Il va dire bon ben ok, tu sors pas comme ça. Après les gentils garçons, ce qui me saoule c'est que tu t'ennuies. Et puis moi ce que je m'amuse à faire avec les gentils garçons, c'est que je les fais pleurer. Ouais. Moi c'est mon défi, je les fais pleurer. Tu les fais aussi non? Oh là là. Sinon je me fais chier en fait. Je m'ennuie. Ah ouais, je peux pas. Donc rejoins Sarah. Voilà. Attends. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec vous les filles. Bah ouais. Peut-être que je comprends pas comment ça, les mecs qui vous habillent. Non, mais vous êtes sérieux, quoi. Ils nous habillent. Mais t'as rien compris. En fait, ils sont protecteurs en mode, eh, ma belle, tu peux t'habiller comme ça, mais moi, ça me. J'aime pas, mais tu vois. J'aime fout, pas. Ça. Mais même le débat, il a même pas lieu d'être. Mais si la meuf, elle respecte le gars, elle va pas sortir comme ça. Non, moi, je pensais, bad boy, tu me dis, bad boy, voilà, je préfère avoir un mec qui me sécurise parce que des fois, voilà, dans la rue, etc. Aujourd'hui, non, mais il y a ça aussi. Ça peut être compliqué. Mais il faut me le dire, les filles. Vous ne parlez que des décolletés. Qu'est-ce que je m'en fous de vos décolletés? Non, mais sérieux, les gars, on en parle. 0870 42 48. Moi, c'est le bad boy, c'est qui rassure. Un peu macho. Qui a pas la langue dans sa poche, qui préserve sa belle et ses intérêts. C'est un petit peu ça pour moi. C'est pas votre histoire de, écoute, t'es court, machin. La nana, si je suis avec, si je suis bien avec elle, elle sait comment j'aime qu'elle s'habille. Et si elle s'habille court pour aller en boîte, je sais que j'ai choisi comme ça et que ça me plaît, c'est tout. Être folle ou quoi? Trois cafés gourmands, là. Puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle? Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnoll, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Plus sur les monnaies d'hier, c'est pire qu'un testament. Au-delà d'une confidence, on est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, baillonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille, Mimi sert nous à boire, on a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille, Mimi sers-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Ah, la boîte à questions. 20h, 23h. Connectez-vous. Le Rico Show débarque. Eh oui les amis, vous êtes hyper nombreuses à dire à quel moment un mec doit choisir les vêtements de sa copine. Oh, je suis d'accord avec vous les filles, ouais. On est ensemble, vous faites ce que vous voulez. Moi je serai là pour que vous ne soyez pas emmerdés. Je serai votre protecteur, n'est-ce pas Sylvain? Mais bien sûr. Qui me protégera, moi qui protège ma meuf. Protège déjà ta daronne. Ah oui, bah c'est gentil. Normalement, elle prend des coups de casque. Hein, les amis, on est dans la boîte à questions. Et ça débat sec, on s'écoutera aussi. Tiens, DJ Snake. Taki taki rumba. Maître Gims. Et Jérémy Frérot qui arrive. pas un, au revoir. On parle justement de ces filles qui veulent des bad boys. Et oui, au départ, elles aiment les garçons gentils ou elles le cherchent. Et puis quand elles sont avec, le bad boy. Il faut le bad boy. Ouais. Alors pourquoi, quand on est trop gentil, vous nous reprochez justement de ne pas être assez ferme, de ne pas aller un petit peu au conflit? C'est un petit peu ce que nous a demandé là, justement, Christophe. Il cherche à savoir, Sylvain. Non, mais il y a gentil et canard. Ouais. Tu vois, parce que quand tu fais trop le canard, ouais, bah forcément la meuf, elle, tu vois, t'as l'impression que c'est elle qui porte les coronaises, tu vois. Ouais. Elle se dit, bah, j'ai pas trop ma place. Ouais. Mais bien sûr que oui. Alors que le bad boy, tu vois, il est plus rassurant, il est plus dominateur. Ouais. Et il va un peu avoir plus sa place que le canard, quoi. D'accord, d'accord. Il faut être un mi-canard, un mi-cuit, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Il faut être un canard bad boy ou un bad canard. Ouais. En tout cas, toi, change pas, t'es bien un con. Maureen a fait 0870-42-48. Comment elle va, Maureen? Très bien, bonsoir. Ça va, Maureen? Alors, Maureen, elle a un avis sur la question pourquoi, justement, les filles au départ voulaient un gentil et puis finalement, c'est le bad boy qui refait surface et qui vous plaît. Raconte. Bah, moi j'ai gardé le même, sauf que bah, je l'ai rendu un peu bad boy. Ah ouais, tu l'as formé, d'accord, raconte-nous, bah, c'est intéressant. Bah, on s'est rencontrés il y a 6 ans et demi, et bah, au début il était tout gentil, dès que je demandais quoi que ce soit, c'était toujours oui. Dès que je disais que, oh bah tiens, je m'achèterais bien ça, bah, je l'avais, il me l'achetait, alors que je demandais pas forcément ce qu'il me l'achète. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit non, enfin, j'ai un caractère trop fort, si t'es trop gentil, je vais finir par te bouffer, quoi. Ouais. Et ben maintenant, il dit non tout le temps. Donc, mais c'est nul. Et Maureen, elle est contente. Elle est... Ah ouais, bah écoute, lui, il dit, attends, là, j'ai envie de dire oui, je dis non. Voilà, maintenant, il dit non tout le temps. Elle a attrapé ton repère. Quand je te pose une question, si tu penses que tu dois me dire oui, tu dis non. C'est une bonne technique, ça. Ah ouais. Un resto, chérie, non. Fais le ménage. Non. C'est énorme. C'est énorme, cette histoire. Et Maureen, vous êtes drôle, les filles. Franchement, horrible. Je pense qu'avec les mecs, il y aura toujours un moment où on se comprendra. Il y a toujours un problème. C'est vrai. Mais le truc, c'est que, en fait, vous pensez qu'on a absolument besoin de vous, les mecs, pour vivre, pour exister ou autre. Non, on pense pas ça, pas déjà, non. Moi, j'ai jamais pensé. Par exemple, Maureen, moi, je vais t'expliquer. Quand j'étais jeune, il y avait une nana qui avait beaucoup souffert d'un mec qui était un peu chelou. Il avait une espèce de double vie, un peu chelou. Je crois qu'il y avait des problèmes aussi avec des stupes et tout, tu vois, des trucs pas bons du tout. L'alcool, tout ça, il était pas bien. Et je l'avais rencontré. Et justement, c'était rencontré, etc. Nickel. Et moi, j'ai été super gentil. J'avais redoublé de gentillesse, tu vois. Et je voulais pas forcément que ce soit ma meuf. Je voulais juste passer des moments avec elle. Elle me plaisait. Mais tu vois, j'en faisais pas un truc. Je savais qu'elle sortait d'un truc un peu compliqué. T'es super gentil avec elle, à l'écoute, attentionné. Et après, puis, elle est repartie avec ce con. Merde, je jure. Parce que finalement, la meuf, elle m'a décrié le mec, vie de merde, dépression, je la prends au fond du seau. Et moi, tu vois, je dis, elle est mignonne, on aurait pu sortir ensemble, mais c'est pas le moment. Je la prends sous elle, et tu vois qu'après, pam, elle se rebarre avec les trucs. Et parce que finalement, cet esprit bad boy, j'ai l'impression que vous en êtes otage ou quoi. Non, c'est affreux, moi, non, je l'ai vécu. Après, hein. Non, franchement, non, enfin, moi, je le suis pas. Personnellement, après, moi, j'en suis pas otage. Après, c'est vrai que le style bad boy, généralement, nous, les filles, on est plus attirés. Ouais, le mec, il est baraqué, il est tatoué de partout. Vous aimez un truc qui bouge, vous aimez une relation qui bouge, la relation un peu trop. Si tout va bien, ça vous fait chier, en fait. Ouais, on veut pas se faire chier. T'as tout compris. Ouais, voilà. Et il y a une thèse aussi. Mais attends, il y a une thèse, Maureen, c'est vrai. Il paraît qu'il y a pas mal de couples, je sais plus comment ça s'appelle, qui s'embrouillent avant de faire l'amour. Parce qu'en fait, pour mieux faire l'amour, pour mieux se réconcilier. Ça crée du désir. Ouais. Voilà, ça crée du désir. Et je crois que. Ça embrouille toi souvent, t'inquiète, ça embrouille souvent. À moi, on s'embrouille, ma parole, il dort l'hôtel du Pitot. Ah ouais. Ah oui, je peux te dire. Après, ça marche, hein. Enfin, ça fait 6 ans et demi, on se marie l'année prochaine, on a 2 ans. Et tu sais quoi, fais gaffe à l'église, il va dire non. Ah non, là, par contre, je suis. Allez, merci Maureen d'être passé, je te fais merci plein de bisous. Beaucoup, bonne ciao, Maureen, on se met le pire, Maître Gibbs, les amis. Et puis derrière, on se posera la question, est-ce que les mecs, justement, on a tous pensé qu'un jour on était éventuellement gays? Je suis posé sur mon divan. moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans, assombrir ma vision. Pourtant le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait, mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Et dis-moi ce qu'on a fait. Et dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan, toujours la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge, je descends. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Et dis-moi ce qu'on a fait. Et dis-moi ce qu'on a fait. Allez les amis, c'est la boîte à questions. On se pose pas mal de questions, c'est vrai. La dernière, elle est sur les garçons. Est-ce que vous avez tous eu une pensée à un moment donné si vous étiez éventuellement homosexuel? Voilà, c'est une jeune fille qui nous pose cette question. On embrasse justement ma Juju, qui est une copine du Rico Show qu'on aime très fort. Les amis, on va se faire l'appel stagiaire. On se fait le canui, mais ouais, vous venez hein, nous répondre les garçons. Tiens, 0800 70 42 48, c'est le canui. On y va. Arrêtez tout. Écoutez, tout le monde est en danger. C'est le canui, le canular de la nuit sur Énergie. Eh oui les amis, ma Sarah, je sais que toute l'après-midi tu t'es fait passer pour la directrice des ressources humaines dans une grande enseigne de magasins de sport. Et ce soir ils sont en inventaire jusqu'à 22h. C'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche, il est déjà 21h57. C'est ça, et en fait je les ai appelés, j'ai prévenu que monsieur Latour, directeur des stages, allait les appeler pour faire le point avec eux. J'ai eu Lionel qui est le manager. D'accord. Et j'ai même eu le nom des deux stagiaires, Christopher et Adrien. Alors c'est simple, d'un côté on a Lionel qui est le responsable. Ouais. Moi je vais l'avoir au téléphone pour lui dire que les deux stagiaires, ils ont parlé sur lui. Adrien et Christopher, j'ai reçu un courrier, ils se plaignent de Lionel. Et quand j'aurai justement les stagiaires, je dirais que Lionel se plaint de lui. Et je vais foutre un bordel et je vais essayer justement de faire un conciliabule avec tout le monde. Allez. Hein, parce que moi, je suis directeur des stagiaires et des apprentis de cette grande enseigne et je souhaite tirer ça au clair. Ça va pas? Ça va pas, ok? Allez. Je vais foutre un bordel monstre. Ok, c'est l'appel stagiaire, c'est tout nouveau. C'est dans le Rico Show sur Énergie, 20h-23h. Ils nous attendent, hein, je crois, Sarah, c'est fixé. Ah oui, ils nous attendent, ils sont en plein inventaire là. Ok, c'est Lionel le responsable, le numéro c'est là ça, ouais. Lionel, okay. Ouais, c'est ça. J'appelle direct le responsable pour lui dire que les stagiaires peuvent plus prier. Puis aux stagiaires que Lionel peut plus prier. On y va. C'est le bordel. On va foutre le bordel là. Ah ouais. Je vais foutre un bordel. Première fois. Vas-y, mollo. Première. Dites-moi ce que vous en pensez. Oui, allô? Oui, Lionel. C'est ça. Monsieur Latour, l'appareil. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, ça se passe bien en ce moment? Oui, ça se passe bien, ouais. Bon, Lionel, j'ai un petit souci. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Adrien? Ouais. Hein, a priori, vous êtes un peu dur, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du mal à imaginer qu'en une journée, on puisse dire ça, mais écoutez, je vais me renseigner. Je suis au courant, mais si vous voulez, je vais vous le chercher. D'accord, merci, allez le chercher. Ok, ça. Allô? Oui, Adrien. Oui. Oui, tout va bien, Adrien? Oui, tout va bien. Oui, je suis Monsieur Latour, directeur des stagiaires et des apprentis. Bon, on a Lionel qui se plaint de vous. Donc apparemment, c'est toi qui te plains de moi. Bon, d'accord. Vous pouvez me passer Lionel ? Oui, je vous le passe. Merci. Oui, allô ? Oui, Lionel. Adrien se plaint, hein, a priori. Hein, c'est bien lui. Hein. D'accord. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela ? Vous pouvez être un peu plus souple ? Mais en fait, c'est pas une histoire d'être plus souple ou pas plus souple. C'est que je suis arrivé depuis hier, donc je vois pas comment j'ai... Enfin... D'accord. Bon, par voyez, contre, moi, fait... j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur votre appel, en fait, parce que du alors, coup... En fin de compte, moi, je vous le dis, les gosses n'osent pas vous le dire devant vous, mais ils se plaignent de vous dans votre dos, voilà. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est avec... Lionel, tout le monde se plaint de vous. Il n'y a pas qu'Adrien, il y a aussi son collègue, Christopher. Écoutez, alors je vais voir avec eux, parce que s'ils si ont l'impression les... avec ce que leur fait faire là, honnêtement, il vaut mieux qu'ils changent de stage, hein, parce que... Bah, est-ce que vous pouvez les réunir? On va mettre les haut-parleurs, on va en parler tous ensemble, allez-y. On est tous là, on est dans le bureau, on vous écoute. D'accord, je fais l'appel. Lionel ? Oui. Christopher ? Oui. Adrien ? Oui. Très bien, on démarre. Lionel, on a a priori donc des soucis dans votre management. Christopher, qu'est-ce que vous reprochez à Lionel ? Aucun, rien du tout. Vous pouvez le dire, hein. Après je reçois des mails en loosé, je préfère qu'on... Vous recevez des mails ? Oui, oui. Par contre, ce serait peut-être bien que la personne qui vous a envoyé un mail, que moi je sois au courant, en fait, parce que du coup... Bah oui, c'est ça Lionel, c'est ça. Adrien, dites-lui ce que vous le reprochez, ils m'ont fait un mail commun les deux. Allez-y. Non, mais c'est sûr, c'est les RH, ils m'ont appelé tout à l'heure, on est au magasin, hein, donc... Allez-y, les garçons, on y va, on vide son sac. Lionel, qu'est-ce que vous avez à dire aux garçons ? On crève l'abcès, c'est parti. Lionel, qu'est-ce qui va mal aujourd'hui avec les stagiaires ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Il n'y a absolument rien de mal. J'ai eu votre RH d'ailleurs pour dire que c'est les deux meilleurs stagiaires que j'avais eu. Donc à un moment donné. Christopher, Adrien, on vide son sac. Qu'est-ce qui se passe, Adrien ? Qu'est-ce que vous reprochez à Lionel ? Ben justement, rien. Du coup, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous essayez de trouver quelque chose alors qu'il n'y a rien à trouver, rien à dire sur ce stage-là. Lionel ne vous met pas la pression, c'est pas pour ça que vous... Est-ce que Lionel peut sortir ? Parce que là, j'ai l'impression que Lionel, allez, vous les mettez sous pression, là, Lionel. Allez, je sors. Sortez, s'il vous plaît. C'est bon, nous sommes tous les deux dans le bureau, Adrien et moi. Les garçons, qu'est-ce qui se passe ? On a fait des comptes rendus, on a eu de très bonnes notes, je veux dire, à l'oral et tout ça. Et du coup, je comprends pas, la formation se passe nickel, on est là, on a fait... Est-ce qu'il vous met la pression, les garçons ? Il faut me le dire. Il ne nous met aucune pression. Il y a d'autres responsables qui sont avec lui. Enfin, je veux dire, il y a Vanessa qui est là, qui nous soutient, etc. Et elle nous donne des missions à faire. Vous m'assurez, les garçons, vous me le promettez. Hein. Oui. Bon, est-ce que vous pouvez me repasser Lionel et quitter le bureau, s'il vous plaît ? Oui. C'est bon, je suis seul. Bon. A priori, vous êtes un peu dur avec eux. Ouais. Voilà, ils sont mis à table, vous êtes sortis, ils sont mis à table et ils ont enfin dit ce qui posait problème. Qu'est-ce qui se passe là avec Vanessa ? Vous leur mettez trop la pression ? Et je mets la pression à personne et je pense que Vanessa met la pression à personne. D'accord, vous pensez donc, que ces deux-là sont là pour nous enquiquiner ? Mais je pense même pas en fait, parce que j'ai plus que zéro problème avec ces deux garçons. Et moi, dès que vous êtes là, effectivement, ils mentent devant vous, et puis dès que vous sortez, bam, là, ça y est, on se lâche. Lionel est compliqué, Lionel nous oblige à faire ça, vous voyez, là, on se lâche. Ouais, bah écoutez, je sais rien vous dire de plus que ce que je vous ai dit depuis le début. Bon, est-ce que vous pouvez faire entrer les deux stagiaires une dernière fois qu'on puisse clore cette conversation, s'il vous plaît, avec vous ? Allez. Vous allez chercher. Oui. Voilà. Bon, les garçons, j'ai dit à Lionel ce que vous lui reprochiez. Son management avec Vanessa. Il est bien au courant. Maintenant, vous pouvez parler de façon libérée. Est-ce que je sache, c'était pas un reproche qu'on avait fait. Oui, c'est bon. Là, ça fait deux heures qu'on tourne en rond. Vous m'avez dit clairement que Lionel avait un management exécrable, ainsi que Vanessa, que les deux faisaient la paire pour vous compliquer la journée. Là, c'est bon. Stop. Top, ça y est, il est au courant, Lionel. Lionel, il va travailler son management, n'est-ce pas, Lionel ? On est d'accord. Lionel va travailler son management, et puis vous, les garçons, vous allez faire un pas vers lui. Est-ce qu'on est d'accord, les garçons ? Oui, d'accord. Ok, les garçons, je vous souhaite de bonnes ventes, et puis je vous remercie. Il n'y a plus de problème. Est-ce qu'on est d'accord ? Ça va, les garçons ? Il vous fera rien, Lionel. D'accord ? Allez. Oui, ça va. On croit en vous. Au revoir. Oh, le bordel ! Je vais les appeler pour débrancher. Ouais, hein. Je vais les appeler pendant la zik, les amis. On est là jusqu'à 23h. Quelle barre de rire. C'est l'appel stagiaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et le retour de la boîte à questions. Et surtout un jeu pour vous faire gagner à tous là qui nous écoutez. We'll be right back. pantalón aquí no le baje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it and squeeze it with my piggyback. It's hungry, my nigga. You need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? Sale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. The work could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, get it well done. Dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie good. Báilame como si fuera la última vez. Enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Vous allez pouvoir gagner un très très beau cadeau dans deux minutes, tous là. Vous tous qui nous écoutez, mais on répond à la dernière question qui tient à cœur à notre Sarah nationale. Drôle, délirant, virevoltant. 20h-23h, c'est le Rico Show sur Énergie. What else? Eh oui les amis, eh, c'est bien, hein, sponsorisé par Nespresso. On y est les amis, what else? Si vous nous rejoignez, on s'est régalé avec cet appel stagiaire. Ça y est, tout le monde est débranché. Et puis vous êtes comme des oufs sur ce nouveau canular. C'est trop fort ce canular, je kiffe, nous dit Ariel. T'as été magique Rico. Et bravo à Sarah qui a fait la DRH dans l'après-midi. Bravo. Pour me ramener tous les stagiaires et tout le monde. Il a mis un de ses why Rico, nous dit Sandra. Ils vont se taper dessus maintenant, dit Elisabeth. C'est vrai, t'imagines, t'as parlé sur stagiaire, t'as parlé. Je pense que cet appel peut nous promettre beaucoup de choses. Ouais, c'est énorme. On va se le faire dès lundi. Hein. Ah, dès lundi, on va enquiller là-dessus, on va enquêter. Je pense qu'il y a plein de magasins où l'entente n'est pas top. Et avec les frictions, on peut vraiment se régaler. Okay. Et puis les amis, hein, vous le savez, tous les quarts d'heure tombe un gros délire. Dans un quart d'heure, je vous mets un délire encore. Wow. On va bosser, on va aller sur des choses. Il y a des petites annonces sur le web assez chelou. Ouais. Vous allez voir qu'on va s'y filer. Croyez-moi, tous les quarts d'heure, ça tombe, on se tape des grosses barres et là on répond aux questions de notre Sarah. Oui. C'est la boîte à questions. Ma Sarah, avec justement notre amie Julie, vous posiez une question assez précise, ouais. Hein, puisque vous pouvez nous écrire un ricochot@energie.com. On y répond tous les vendredis avec cette boîte à questions. Sarah, tu voulais savoir si les hommes avec Julie avaient tous une pensée à un moment donné sur l'homosexualité. Tout à fait. Si ça allait chatouiller. On a compris que chez toi ça a été clair. Évidemment, on va te dire si nous aussi. Tiens, voilà. JM, est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur ta sexualité, toi qui es hétéro jusqu'au bout du bout? Ah ouais, jusqu'au bout du bout, c'est le cas de le dire. De temps en temps. Des fois, au bout du bout, il n'y a pas la femme. Mais non, ouais, en fait, je pense que j'y ai jamais trop songé à aimer les garçons. Parce que même, dès tout petit, j'aimais bien les filles, tu vois. Ouais. Je traînais un peu avec les filles, tout ça, tout ça. Je tenais un peu la main aux filles. Ouais. J'avais des amoureuses, mais elles voulaient pas de moi, tu vois. Ouais. Mais je suis pas parti vers les mecs. Ouais. J'ai quand même pas lâché. Au final, il y en a quelques-unes qui ont voulu de moi. Ouais, c'est vrai, mais moi, c'est peut-être con parce que ça se traduit pas tout le temps par la féminité et des fois très rarement. Ouais. Moi, par exemple, tout petit, tous mes Noël, j'avais une dinette. Ah ouais, le cheval Barbie. D'accord. Je me déguise. Les pockets. Et ouais, et j'ai mon pote Benoît Dumag, Dumanmag, qui est sur TPMP maintenant, ouais, qui me disait, moi c'était comme toi quand j'étais petit, je savais tout de suite que j'aimais les garçons et j'aimais bien justement jouer avec des trucs un peu féminins. Oui. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'au début mes parents se sont posé quelques questions parce que mais ça les dérangeait pas du tout. Non, ça veut rien dire, moi je pense ça. Tu crois? Ouais, non, ça. C'est ça peut-être veut... les anciennes pensées. Ouais, ça veut absolument rien dire. Moi, ce que je veux savoir, c'est que c'est impossible. JM, t'as déjà vu un beau mec devant toi? Ouais. Un beau steak, ouais, tartare, ouais. Jamais tu t'es dit il est pas mal le cœur. Ah non, je le mettrais pas dans mon lit, je me le suis jamais dit. Mais ouais, tu t'es déjà dit les beaux gosses. Bah évidemment, il faut reconnaître quand les mecs sont beaux gosses. Ah mais creuse. Mais non, tiens, tu veux que je commence à aimer Mehdi ou quoi? Comble. Sylvain, toi, ça t'a effleuré? Ben non, mais forcément, moi qui est dans le domaine du sport. Ouais. Ben oui. Je voyais pas mal de petits culs, tu vois. Ouais. Ah, déjà, tu les appelles les petits culs. Non, mais oui, sous les douches, ouais, je voyais pas mal moi, de petits culs. Moi, à part comparer ma teub avec les autres, c'est tout. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai qu'après, vous avez une petite comparaison, forcément. Mais c'est vrai que ça m'a chatouillé l'esprit. Ça t'a chatouillé. Est-ce que t'as la réponse claire aujourd'hui? Oui, j'ai la réponse claire. Ouais. C'est que t'as envie d'un petit éclair. J'ai bien le barbu maintenant. Jérémy a fait le 0800 70 42 48. Ça va, Jérémy? Salut l'équipe, ça va au top. Salut. On est en pleine forme, on se marre, on rigole de sujets comme ça un petit peu. C'est vrai que tout le monde se pose, ah oui, mais toujours avec le sourire. Jérémy, raconte-moi un petit peu, toi, est-ce que à un moment donné, l'homosexualité, tu t'es posé des questions? Alors moi, je me suis jamais vraiment posé de questions. Je sais que j'aime les femmes, ouais, mais par contre, à un moment, mon père a quitté ma mère et pour un homme. C'est pas vrai. Ah ouais. Et là, même quand tu sais que c'est pas héréditaire, quand même tu te poses la question, tu te dis, et peut-être que moi ça pourrait m'arriver. Ouais, mais de toute façon, c'est pas une maladie. Hein. Ouais. Non, ça t'arrive, tant mieux. Ah, oui, mais héréditaire dans le sens par les attirances. Mais tu vois, ton père, il a fait le choix des deux, quoi. Il s'est mis avec une femme et tu penses que pendant toutes ces années, il était déjà gay au fond de lui ou. Ah ben oui, je pense que voilà, c'est quelque chose d'un peu enfoui et qui s'est révélé en tout cas, ou qui a assumé par la suite, quoi. Ouais, Sylvain. Non, moi je pense que c'est des codes qu'on a donné un petit peu à la naissance ou dans l'éducation. Ouais. Mais regarde à l'Antiquité là, au temps de César et compagnie. Les mecs étaient bigous, hein. Quand on dit va te faire voir chez les Grecs. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais les mecs étaient bigous, c'est-à-dire que ils aimaient autant les mecs que les femmes, et ça t'empêchait pas d'aller faire les gladiateurs, les mecs comme ça, tu vois. À se mettre des coups de sabre. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est pour ça. C'est vrai. Donc. Non, mais moi, je pense qu'il faut arrêter de se mettre des barrières, les gars. À un moment donné, si vous voyez que vous n'êtes pas forcément heureux avec des nanas et que ça ne marche pas, au lieu de persister, pourquoi pas essayer. Donnez-vous la chance, Rico, si un jour, toi, avec une de tes nanas, ça ne va pas. Faut vous donner la chance d'aimer une autre personne. Avec Sylvain, je lui mets la perruque de temps en temps. et je commence à y apprécier. Bientôt, il va l'enlever. On y va step by step. Ok, du coup, tu t'es posé la question et Jérémy, ta réponse a été. Mais j'ai pas testé les hommes et je sais toujours que j'aime les femmes. Donc voilà. Mais c'est la seule fois où tu t'es posé cette question, c'est à travers justement la relation de ton papa avec un homme. Je comprends, mon cher. Ouais, mais c'est juste de se dire voilà, est-ce que les goûts changent aussi avec le temps? C'est possible aussi. Voilà. Ouais. Ok. Bah écoute, je t'embrasse, mon Jérémy. Plein de bisous, mon poulet. Merci, bonne soirée. Merci, Jérémy. On te fait un petit cadeau. Tiens, il y a Pierre, c'est intéressant pour terminer. Il a une expérience qui va vous parler. Ça va, Pierrot? Ouais, bonsoir tout le monde, bonsoir les gars. Salut mon pote, merci d'avoir fait le 0800 70 42 48. Raconte-moi Pierrot ce qui t'est arrivé. Bah alors moi en fait c'était simple, moi à l'inverse de vous tous, c'est, je me suis posé la question de est-ce que je suis ça ou ça. Ouais. Et j'ai voulu faire l'expérience, c'est-à-dire à un moment j'ai testé avec quelqu'un, on avait commencé à vouloir faire des choses, et la personne qui s'était déshabillée, ça m'avait directement en fait repoussé, ça m'avait directement bloqué. Ah ouais, du coup t'as angoissé l'autre mec quoi. En fait, c'est-à-dire que pour ton test, t'as angoissé une personne avec qui tu voulais faire l'amour, il a dû se dire. Ouais, c'est exactement ça. Et lui, du coup, est devenu hétéro. Hein. Ah ouais, c'est ouf. Et du coup, toi, t'as pas réussi à bander, quoi, il faut le dire. Ah bah non, mais c'est même pas ça, ça m'a repoussé directement, en fait. C'était pas possible, en fait. Ah ouais. Je pensais pouvoir, mais c'était impossible. Ah bah tu vois, moi. Ouais, mais Pierre, moi, ça m'a fait ça jusqu'au moment où Sylvain a mis la perruque. Peut-être que toi aussi, il faut y aller avec la perruque. Au début, step by step, quoi, tu vois. Ah bah, on teste avec Sylvain, on teste ça. Et ça t'avait titillé? Est-ce que déjà, tu t'étais un peu caressé devant des trucs un peu non, chelou? Non plus, non, du tout. C'était sur un coup de tête. Je me suis dit, allez, vas-y, c'était un copain qui avait tout le temps voulu faire des choses avec moi. Ah ouais. Je me suis dit, allez, bah pourquoi pas. Ah ouais. Pas du tout. Ah, il est chaud le. Ah, ouais. moi, j'ai des copains qui veulent aussi beaucoup essayer. J'expliquerai Pierrot à un moment donné. Il est sympa, Pierrot. Tiens, bah écoute, tu essayes. Écoute, on s'y file. Moi, je pense qu'au fond de toi, il y a peut-être quelque chose qui te tracasse. Non, mais il est dans l'échange, c'est bien. Ah oui. Maintenant, si en fait, depuis quelques jours, c'est bon, c'est fini, c'est tout ça, voilà. Bon, ben, écoute, au moins tu sais, c'est ça l'avantage. Mais voilà, je sais, c'est ça, je suis sûr à 100%. Au moins j'aurais testé, j'aurais su, il s'est rien passé, mais je sais. Merci. Tester, c'est écoute, la prouvée. Pierrot, au moins on aura pu en discuter. Merci mon Pierrot, je te fais plein merci de bisous. Beaucoup, merci de ton témoignage. Ciao. Bisous. On t'embrasse frérot. Prends ton petit cadeau, on t'aime très fort. Les amis, vous allez pouvoir tous gagner un cadeau. C'est là, maintenant que ça tombe. Vous pouvez faire le 0870 42 48 et partir avec un cadeau d'une valeur de 200 €. Trop les bien. Amis, on a des casques, on a des voyages, on a des enceintes, on a tout. J'adore. C'est vrai, vous allez pouvoir choisir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les amis, pour ça, il faut deviner mon poids. Oh là là, mon poids au kilo près. Combien est-ce que je pèse? On va se poser pas mal de questions et vous pouvez remporter votre cadeau. Sarah, tu peux me poser une question pour mon poids. Vas-y. Alors, ça dépend ton poids en euros ou en vrai? En euros, je suis à découvert. Alors, une question. Est-ce que tu fais du sport, Rico? Écoute, ça fait 3 semaines à moi, je m'y suis remis. Ah, t'as repris. Oh là là, okay. Gentiment. Ok. JM. Est-ce que je peux. Une question aussi, une seule ouais. Combien tu mesures? Je mesure 1m87. Oh putain, c'est mon bébé. Ouais, il est grand, Rico. Il est grand, il est gras. Ah ouais, ouais. Sylvain. Avant ou après la raclette? Écoute, je me suis pesé. Voilà, j'avais tout fait. D'accord. J'avais tout fait. Donc, ok, 1,87. Un petit peu de sport en ce moment, Sylvain. Enfin, léger le sport. Léger, ouais. Très, très léger. Très léger. Ouais. On dirait que l'autre, c'est Monsieur Sport. Ouais. C'est Minusieux Sport. Lui, parce qu'il a 2 pecs, mon frère, et 3 abdos, c'est lui le patron du sport. Vas-y, pose-moi une question, vas-y. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Non, mais c'est quoi. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, par exemple? Bah, aujourd'hui, par exemple, ce midi. Parce que je fais grave gaffe en ce moment, j'ai mangé 12 sushis. D'accord. 12 sushis sans sauce, dégueulasse. Ah ouais. Ah, dégueulasse. Avec une soupe, mon frère, là, c'était de l'eau. Miso. Ah ouais, mais il n'y avait pas de miso. Il y avait que de l'eau. Va être un peu les sushis dans la soupe. C'est horrible les sushis sans. Ah ouais, c'est terrible. C'est parce qu'en ce moment, j'ai envie de perdre un peu là. Ouais. Donc je vous le dis, petit indicateur. Vous trouvez mon poids au kilo près, 1m87. Tiens, je vous donne mon pantalon. Non, ta taille de pantalon. Ouais, bah je peux la donner. Ah ouais, ta taille. Ouais, je suis autour de 40. 40 en pantalon. Ouais, 40. Ça, je sais pas ce que ça représente. 40, je sais pas non plus. C'est ce qu'il y a écrit sur mon slip. C'est ça. Sylvain. Et la ceinture, t'en as à quel niveau? 3 ou 4 trous. Petite trompe. Ah, alors attends, sur la ceinture, mais c'est 3 ou 4 trous. Si j'ai une 120 cm à la place de la 90. Il est neuneux, celui-là. Oh, mais écoute, je suis à 100 trous. Ça dépend de la taille de la ceinture. Il croit qu'il y a des ceintures universelles, ce con. Il a 37 ans, il y croit, les amis. On pourra rien faire pour lui. Allez les amis, vous trouvez mon poids, vous remportez votre cadeau. 0870 42 48. On se pose des questions et puis je vous prends. Et puis les amis, ça y est, hein. Déjà dans 5 minutes, on repart sur un délire, hein. Un appel complètement ouf les amis. Ça tombe et il y aura les Little Mix qui arrivent les amis. Elles arrivent et elles sont comme des oufs. On les kiffe. C'est les nouvelles Spice Girls. On revient à 3 minutes, c'est la seule pub depuis 2 heures là. On y va les amis et puis on y est jusqu'au bout qu'avec du kiff, que des surprises et un très beau cadeau à gagner pour vous tous. Combien je pèse? On y va. Écoutez ce son. Ce son faut 10 000 euros. Manu, tu décales une lumière avec un briquet. Tu bricoles avec un pistolet à trous sur une planche. C'est le son à 10 000 euros sur Énergie. Lundi matin à 8h30. Écoutez Manu dans le 6-9 sur Énergie. Trouvez-le. Et gagnez 10 000 euros cash. Oh putain! C'est facile. C'est le son à 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. C'est uniquement sur Énergie. I'm light and a long way. You're the best. s'appelle Aymeric Bonnery. Son surnom, c'est Rico. Et vous venez d'atterrir dans le Rico Show sur Énergie. De 20h à 23h. Ouais, eh oui les amis, on a plein de choses à faire ensemble. Déjà on va parler des arnaques. Si vous connaissez des arnaques là, 0870 70 42 48, les nouvelles arnaques là. Par exemple, on a vu ce billet de 50 euros sur les pare-brises, ouais. Et les personnes étaient dans leur voiture, elles sortent récupérer le billet, hein, elles se disent voilà, j'ai de la chance, et ouais. Puis on vous vole la voiture. Tiens, comme ça un petit peu en conseil là pour tous les amis du Rico Show qui nous écoutent. Et puis je vous parlerai d'autres arnaques du web avec Sarah. On va passer un coup de fil d'ailleurs pour s'assurer ou pas d'une arnaque. Vous allez voir. Et puis on ira aussi avec Sylvain l'arnaqueur, il est sur France 2 en ce moment. Oh, ouais, il paraît. Vous expliquerai cette supercherie. Monsieur fait les après-midi de France 2. Eh oui, c'est fou. Et là, vous cherchez mon poids. Essayez de le trouver pour remporter un cadeau. Vous pouvez tous remporter un cadeau. 0870 70 42 48. On a dit que je faisais un petit peu de sport, ouais, en ce moment. Ouais. On a dit que je faisais 1m87. 7. On a dit du côté de Sylvain que je faisais un. Tu mangeais des sushis. Voilà, que je mangeais des sushis ce midi. C'est pour vous dire un petit peu sur quelle pente je suis. Hein, attention, j'ai pu manger un burger à 9h. Ah oui. Je vous dis. Et je fais un 40 en taille. Vous essayez de trouver. Hashtag Ricochet sur énergie. Ariel dit 187 kilos. Oh. Merci Ariel. Il y a Caro qui dit 90. Et puis Seva, je dis 78, Mariam 80, ça varie. On va prendre Gérald. Ça va Gérald? Oui, bonsoir à toute l'équipe. Salut Gégé. Salut mon Gérald. Salut. Tu penses que je pèse combien mon Gégé? Alors 72 kilos. Ah mon Gégé, t'es loin du compte. T'es loin mon Gégé. Je les avais briefés avant, non? Ouais. C'est ouais. Pas grave. Bonne soirée à tous. Bonne soirée mon Gégé. Plein de bisous mon Gégé. Ciao. On t'aime fort. Il y a Sullivan qui est là. Ça va Sully? Ça va l'équipe? Ça va mon Sully. Alors Sully, raconte-moi mon petit poulet, à ton avis, je pèse combien? Moi j'ai dit 84. Ah c'est pas ça, c'est pas ça mon Sully. Je t'embrasse mon Sully. Bisous Sully. Merci, bon courage. A très vite. Il y a aussi Jérôme qui est là, ça va Gégé? Ouais, salut à tous, salut. Alors mon Gégé, mon petit poulet, qu'est-ce que t'en penses? Mais attends, est-ce que ta balance, elle est bonne au moins? Je vais te dire, c'est un petit conseil, j'aimerais qu'elle soit fausse. Voilà, je te dis, j'aimerais qu'elle soit fausse, mon Jérôme. Dis-moi. Ah déjà, moi, tu vois, je suis à 1m30, je fais quand même 90 kilos, je taille du 44 en ceinture. Ah ouais, mais j'ai peut-être un petit cul et des gros seins. C'est peut-être l'inverse, sinon. Jérôme, tu penses que je pèse combien? Ouais, moi, justement, je voulais dire comme le premier qui avait dit, donc j'ai changé. Ouais. Donc, je crois qu'elle était plutôt assez mince. Donc, allez, on va dire un petit 68. 68 kilos. Oh, ça fait longtemps que tu l'as pas vu, lui. Hein. Ouais, Jérôme, pas chef, le loup. Donc, j'étais du 40, je faisais 67 kilos. Donc, ouais. Je t'expliquerai un truc, j'ai des petites cannes. Je t'embrasse mon Jérôme. Ouais, merci. Bisous mon Jérôme, bisous mon Jérôme d'amour. Allez les amis, vous tentez de trouver. Tiens, une question là, allez on y va Sarah. Alors, ma question, quand tu fais l'amour avec ta compagne, t'es dessus ou en dessous? J'aime bien en dessous. D'accord. Non mais sinon je suis pas à portée de tir. Elle est bête ça, la JM. Depuis quand tu t'es remis au sport? Parce que t'es remis au sport. Depuis 3 semaines, 1 mois. Ah, 3 semaines? Ouais. Ah ouais, moi. Ouais, Sylvain. Est-ce que quand tu fais pipi, tu vois ton kiki? Ouais, je le vois. Il est con celui-là. Je le vois, mais faut que je baisse la tête. C'est parce qu'il est trop court. C'est pas que j'ai un préau. Ah, je sais pas moi. Je t'expliquerai Sarah. Ah, si tu pouvais voyager en soute, tu paierais combien d'excédents bagages? Parce que c'est autorisé 30 kilos, c'est ça? D'accord. Oh ben un paquet. Je serais surendetté sur un premier vol. Il y a un point de moins 5. Ouais, là les gars, allez-y 0870 70 42 48, n'hésitez pas. On va parler des arnaques les copains. Ouais. Allez. Tiens, la première arnaque Sylvain qui est justement sur France Télévisions. Vous en voulez? Vas-y. Allez, mon Sylvain qui lors des après-midi fait partie d'un panel. Ouais. Et il nous dit donc évidemment les amis, eh bien combien il pense très fort. Vous allez voir. Oh. Notamment on lui demande tiens, est-ce que la taille du sexe ça compte? Voilà ce que nous dit Sylvain. Ouais, j'allais te dire que la petite, t'es obligé de monter à 5-6 000 tours par minute. Alors que la grosse, t'es tranquille. Tu te mets en deuxième et t'attends entre 2 et 3 000 tours. Et la meuf, je peux te dire qu'elle va venir direct. Et incompris. En gros, 6 000 tours, c'est comme une voiture, quoi. Ouais, tu lui dis, voilà, à fond. Donc lui, il a l'impression que s'il donne beaucoup de reins autour de 8 000 tours, c'est-à-dire très fort, ça va aller bien. Comme le petit lapin du Racel, voilà. Quoi, qui va à fond la caisse. Ouais. Alors que moi, je suis à 2-3 000 tours sur minute. D'accord. Et je peux te dire que, voilà, ça, elle kiffe en général, la meuf. Elle kiffe, ouais. Ça leur plaît? Ouais, ouais. Bon bah écoute, merci docteur Sylvain. Et les hommes ont-ils plus de partenaires sexuels que les femmes? Voici ce que Sylvain nous a dit, les amis. Il découvrait, il a fait le zapping de toutes les télés. Ouais. Je vous le garde pour après ça. Allez, il a vraiment fait le zapping de toutes les télés. Il a dit aussi, les femmes sont-elles plus romantiques que les hommes? Ah. Voici sa réponse. Franchement, j'ai envie de te dire que les femmes sont plus romantiques que les hommes. Parce que nous, une fois qu'on a fini la petite séquence avec la demoiselle, les sentiments, ils partent dans la capote. Oh de dire ça sur le service public. Voilà où va votre c'est pour avance. La petite ménagère, hein. Et les amis, le prochain truc, je vous le dis, c'était la réponse à la question, les hommes ont-ils plus de partenaires sexuels que les femmes? Ah, je m'attends au pire. Les gars, il a fait tous les zappings de France et de Navarre. Ouais, c'est pas une vanne, les amis. Et de Navarre. C'est-à-dire que Navarre, on a ramené ça à la France. Mais je vous dis, c'est terrible. Ça va. Vous allez flipper, les amis. Et puis surtout, vous continuez sur mon poids. Je vous le dis, c'est entre eux. Je vous le dis, c'est entre allez. 80 et 100 kilos. Ah ouais, il y a une belle fourchette. Hein. Ah là, il y a de la fourchette. T'as beaucoup de fourchettes, toi. Ah bah là, c'est la fourchette d'or, la fourchette gourmande. Let up, bitches. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. Des arnaques qui ont lieu en ce moment, les nouvelles arnaques comme ce billet de 50 sur le pare-brise, vous sortez de la voiture, on vous pique la bagnole, n'hésitez pas si vous avez des doses, on est toujours sur mon poids et on finit le zapping de Sylvain sur France 2. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. D'ailleurs les amis, si vous avez mon poids entre 80 et 100 kilos, je fais 1m87, un petit peu de sport, j'ai mangé des sushis ce midi, j'ai la connerie qui pèse lourd, n'hésitez pas, 0800 70 42 48, vous repartez avec un beau cadeau, j'ai des enceintes, des bluetooth, des casques, voilà. Si vous avez une idée, vous y allez, je fais un 42 en pantalon, 40-42, voilà, on est au milieu 41, bam, ça tombe. N'hésitez pas les amis, on aura les Little Mix là en fin d'émission. I'll make you. C'est les Spice Girls modernes, hein, seront là les amis, ça va être un carton. Mais je vous l'ai dit, Sylvain est désormais dans le panel de France 2 et répond à des questions hyper précises. Et il a fait le zapping de toutes les télés, mesdames, messieurs, en déclarant des choses sur les nanas. Et il s'adresse directement à la gente féminine. Hein. Oui. Ah, il a été vu des millions de fois parce que ses conseils ont été repris partout. Parce qu'on l'a pris pour un truc du cul. Les hommes ont-ils plus de partenaires sexuels que les femmes? Voici ce que Sylvain a dit aux femmes. Il les a pris vraiment, voilà, il leur a dit, mesdames, il faut que je vous parle, écoutez-moi. Et lui, en tant que grand dieu grec, il a donc parlé aux dames et s'est retrouvé dans tous les zappings. Écoutez. Je trouve ça totalement débile. Je veux dire que si la femme, à l'heure d'aujourd'hui, elle veut prendre son pied, qu'elle le fasse. C'est ça qui est bon. La jouissance. Jouissez, mesdames. N'ayez pas peur. Dites-le. Oui, voilà, je me tape des mecs. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait quoi? Allez-y, mesdames. C'est un malade. Allez-y, mesdames, sur France Télévisions. Allez, il est complètement frappé. Voilà à quoi sert votre redevance, mesdames, messieurs. Comme quoi, tu vois, le service public, hein. Oh putain. Bah, ils sont, voilà, ils sont ouverts d'esprit. Mais moi. T'es un cas d'étude. Bah, ils sont ouverts d'esprit, attends. Oh là là, mais toi, t'es un cassos surtout. Jouissez, mesdames. Jouissez. Mais quoi? Oh là là. Désolé, les gars, de ne pas le faire jouer à vos meufs. Oh là là, mais jouissez, mesdames, j'aime. C'est dans quelle émission? C'était dans l'émission Drôle de Bête. C'était quoi? C'était dans Je t'aime, etc. Bravo Sylvain, porte-parole. Porte-parole des gens, toutes les femmes. Attention, hein. Je trouve ça totalement débile. Vous allez voir, le jouissez, mesdames. Si la femme, à l'heure d'aujourd'hui, elle veut prendre son pied, à l'heure d'aujourd'hui, qu'elle le fasse. C'est ça qui est bon, la jouissance. Jouissez, mesdames. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de jouir. Mais c'est de toi qu'on a peur. Il est con celui-là, n'ayez pas peur. Tiens, Sarah, on a vu des arnaques aussi sur les annonces du web là. Ah ouais, carrément. Hein, avant de vous prendre avec vos arnaques à vous, les amis, vous le savez, toutes les 15 minutes, on se fait un énorme délire dans l'émission. Ma Sarah, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va se faire? Alors en fait, moi j'ai trouvé une nana un peu chelou son annonce, qu'elle propose de chasser des fantômes qui se trouvent chez toi. Ah ouais. Particulièrement visés aux personnes âgées. D'accord. Et moyennant finances. Et moi j'ai un peu enquêté, je l'ai appelée pour me renseigner sur les tarifs et c'est un peu douteux, tu vois. D'accord, genre en gros elle chasse les fantômes et elle cherche beaucoup les petits yeux qui ont peur des portes qui claquent, quoi, qui grincent. Exactement. Et elle arrive à prendre de l'oseille comme ça. Elle arrive à prendre de l'oseille. Donc j'aimerais bien qu'on l'appelle, mais qu'on lui fasse un petit scénario douteux, nous aussi. Tu l'as eu au téléphone dans l'après-midi? Ouais, je l'ai eu juste après. Écoute, on l'appelle, c'est parti. Hein. Allez, on va voir ce qu'on peut en tirer. Vas-y. Moi, je pense qu'on peut partir sur un truc. Ouais. Genre, moi, j'ai vu des ovnis te faire l'amour. Oui, ok. Et ils ressemblent à un gars du village. Ah, je te trompe en fait. Voilà, en gros, tu me trompes, mais moi, j'y vois que du feu. Vas-y. Et voir si elle rentre vraiment dans le délire. Ouais. Vas-y. D'accord, si elle veut quand même chasser les fantômes alors qu'il faut juste chasser l'amant. Allez. On y va? Allez, on fait Allez, c'est parti. Alors. Oui, allô? Oui, bonsoir Danae, je vous ai appelé hier. Oui, bonsoir. Bonsoir. Madame Jacquin, désolée, je n'ai pas pu vous rappeler, vous savez. Oui, Madame Jacquin. Non, il n'y a pas de souci. Bon, bah merci, ça tombe bien, je suis avec mon mari, donc on vous parlait justement de alors, je ne sais pas si c'est des entités ou lui me dit un extraterrestre. Donc je ne sais pas. Cela fait quelque temps quand même, comme je vous disais hier, que mon mari et moi, voilà, moi j'entends des portes qui claquent, des bruits dans le grenier, et lui me certifie sur l'honneur avoir vu un extraterrestre. Alors j'aimerais bien avoir un peu plus de détails. Alors, je vais vous le passer, il va vous dire. Oui. C'est la dame pour eux, c'est Danae. Allô, bonjour madame. Oh, oui, bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors, j'ai eu votre épouse hier, qui m'a expliqué un petit peu... Alors j'ai un souci. C'est quand je pars à la chasse. C'est toujours au même moment. D'accord. Je pars à la chasse. Oui. Exactement. Dites-moi, monsieur Jacquin, alors, je pars à la chasse. Je charge le fusil. Je mets mes bottes. Et là, déjà, j'entends des bruits de temps en temps. Je mets ça. Je vais à la chasse. Je pars. Je vais dans la forêt. Et quand je reviens, je vois toujours la même scène. Je vois un monsieur en train de faire l'amour avec ma femme. Et quand il fait l'amour avec ma femme, il s'en va. Je le surprends. Ma femme, elle crie et le chien aboie, le chien de chasse aboie, ruff, ruff. Et là, le monsieur saute par la fenêtre et il s'en va. D'accord. Et moi, j'ai l'impression que c'est René, un garçon du village, mais je suis allé le voir, il me certifie que c'est pas lui. Alors moi, je suis sûr que c'est un ovni ou un extraterrestre. Alors j'ai dit à ma femme, il va falloir qu'on arrête de faire ça, je peux pas à chaque fois que je vais à la chasse. te retrouver avec quelqu'un dans le lit. Moi, je pense certainement que vous avez une entité qui est dans ces lieux-là, qui vous embête un petit peu. Dès que j'agrotte pas, l'heure, l'OVNI est là. D'accord. C'est insupportable, j'ai l'impression d'être le cocu du village, alors que c'est un OVNI. Non, alors, on en a discuté hier. En effet, faut bien lui garantir que c'est une entité et que ça existe, étant donné que nous... Qu'est-ce qu'il y a? Oui, vas-y. Bien sûr. À la cuisine. Nous sommes dans un domaine, hein, chérie, depuis des années, donc ça peut arriver. Alors, attendez. Va sortir le gratin. Oui, madame. Oui, je vous reprends. Oui. Non, il n'y a pas de souci. Je le comprends, je le sens un petit peu paniqué, forcément, par ces visions-là. Je vais vous expliquer. L'argent n'est pas un problème, il faut que vous le sachiez. Il n'y a pas de bruit, pas d'entité. C'est moi qui tapais dans le grenier, je lui ai fait croire. Voilà, je lui ai fait croire d'où cette démarche, c'est que René. Voilà, moi, je cherche maintenant une personne qui peut venir au domicile pour lui faire croire qu'on chasse tout ça et qu'il arrête d'être sur le dos de René et moi, parce que René a des problèmes avec sa femme maintenant. D'accord. Voilà. D'accord. Alors vous en tarification, bon, sachant qu'il n'y aura rien à chasser en vrai, hein, à part les idées que mon mari ne se fait, nous, enfin, moi je suis prête à payer le prix. C'est quoi le forfait? Mais chacun, je peux parler là ou pas? Oui, tout à fait, je suis en bas. Maintenant, c'est certain qu'au niveau tarif, ben, vous comprenez que ça ne va pas être ça. Hein, ça sera quand même plus, voilà, ça sera plus élevé que ce que je vous ai dit. Là, je vous demande clairement de mentir. Donc forcément, oui, ce sera plus élevé. Ce n'est pas un souci. Moi, pour me couvrir et couvrir René et sa famille, je ferai tout. Hein. Donc, on peut partir sur quoi? Hier, je vous ai dit qu'on m'avait proposé 10 000 euros, déjà, un marabout. Hein. Ouais, On serait sur quelle fourchette? On serait pas loin de ça. Voilà, entre 10 ça. Et 15 000. Ouais. Alors par contre, pour 15 000 euros, il n'y a aucun problème. Et moi, je veux tout le tintouin, hein, la baguette de sorcière. Je veux vraiment qu'il y ait un truc un petit peu magique autour de ça pour que mon mari y croit. Quoi, hein. Je veux tout. Je veux toute la farandole. Alors, moi, je peux vous faire venir une équipe qui le fera. Très bien. Hein, parce que moi, je ne travaille pas seule. Donc forcément, que, voilà, je vais déléguer certainement des sorciers marocains, etc. Génial. Moi, mon enveloppe, est-ce qu'une enveloppe de 20 000 euros tout compris, ça irait? Complètement. Je veux au moins 5 personnes pour crédibiliser vraiment le truc. Hein. Vous voulez 5 personnes, alors je le note. Vous voulez qu'on fasse ça quand même, chacun? Dès que possible. Dès que possible, là, d'ici, avant les fêtes. Avant les fêtes, et s'il faut payer encore 30 000 euros pour que vous veniez avant les fêtes, ce sera fait. Moi, il faut que je me débarrasse de cette histoire urgemment, parce qu'il a trop de doutes, là. D'accord. Bon, écoutez, avant qu'il ne revienne, 50 000 euros et la semaine prochaine. Je vous le fais, moi, la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. Très bien. Comment fait-on, Mme Jacquin? Alors écoutez, ce qu'on fait, c'est que nous, on va se voir discrètement demain ou après-demain. Vous me direz où vous êtes. Il faut venir me voir à mon cabinet. Je viens à votre cabinet, exactement, avec la petite mallette. Donc je vous donne, on va partir sur 30 000 et je vous donnerai les 20 000 restants à l'arrivée, une fois que le travail d'accord. sera fait. D'accord. Voilà. D'accord. Allez. On fait comme ça. Allez, à très vite. À très j'attends vite. Votre appel, Mme. Oui, il arrive. Vous me rappelez, hein. Oui, à très vite. Oh là là, c'est un truc de ouf! Quel crevard! C'est chaud, c'est ouf, de dingue! Hein. Ouais. Oh. Allez, les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. On parle des nouvelles arnaques. Il y a du dos sur le carjacking et les Little Mix pour finir. Du très très lourd là, tout de suite. Contournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées relevées. Sur cette lune, les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh, ni d'éternel. D'une note passée, pensée relevée sur cette lune, les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir. De la hauteur, ceci n'est pas un au revoir, car je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe. De la hauteur, ah, ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir. Allez les amis, on est là jusqu'à 23h, on parle des arnaques. Ah, quand tout va bien, il y a tout le monde. Mais quand ça ne va pas, il y a qui? Eh ben personne. Ah si, si si, eux ils sont là. Le Réco Show, 20h-23h. Sur Énergie. Eh oui les amis, on est avec vous pour kiffer, on parle des arnaques. On a vu l'arnaque téléphonique là, du chasseur de fantômes, l'arnaque de Sylvain qui vous invite... Je trouve ça totalement débile. Je veux dire que si la femme, à l'heure d'aujourd'hui, elle veut prendre son pied, qu'elle le fasse. C'est ça qui est bon. Là, je lui sens. Oui, c'est, mesdames. N'ayez pas peur. Dites-le. Voilà, je me tape des mecs. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait quoi? Allez-y, mesdames. Allez-y, mesdames. Ah, on dirait qu'il ouvre la boulangerie. Ah, ouais, une manif. Il est ringard. Déjà, le mesdames, il est dégueulasse dans sa bouche. Je vous rappelle que vous pouvez gagner un cadeau en me donnant mon poids. 0800 70 42 48. Celui qui trouve mon poids pourra partir avec un cadeau. Je vous le dis, c'est entre 80 et 90 kilos. Voilà, ça tombe ouais. à vous de trouver, Sylvain. Le cadeau, c'est quoi? C'est ton poids en bouffe ou pas, non? Ah, là, ah le... oui, ben là. Non, en connerie, Sylvain. C'est quoi? Tu me représenteras fièrement. Ah, d'accord. C'est des copains du Réco Show. À mon avis, on sera bon. Les amis, on parle des nouvelles arnaques. Vous savez, on parlait de ce billet de 50 euros, là, ouais. sur les pare-brises des voitures, c'est etc. Grave. Et tu sors de la bagnole, on te la vole. Et d'ailleurs, Tanguy a été victime de carjacking. Ça va, Tanguy? Salut Rico, salut Kiko. Salut. On se fait un petit truc préventif là avant le week-end parce qu'il y a pas mal de nouvelles arnaques. Toi t'as été carjacké mon Tanguy. Bah oui, il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Bah, je me retrouvais dans la rue à aller chercher ma bagnole au parking. Et puis tu t'installes et tout, tu poses ton sac avec tes papiers tout le temps. Puis je sais pas, tu regardes sur ton pare-brise arrière pour faire une marche arrière et tu vois un petit billet quoi. Je dis bah ouais, ça peut être intéressant. Bah, bah, pas une, pas deux, hein, t'es un crevard ou t'es pas un crevard, bah, tu vas chercher quand même le bouchon. Et puis bah c'est là que juste le temps que je passe derrière, en fait, j'entends des bruits, des gens qui courent et en fait ils sont passés dessus. Ouais. Enfin, ils sont passés sur le côté, ils m'ont chopé la voiture et le mec il a déboulé, j'ai même pas eu le temps de réagir que en fait j'ai laissé ma bouche ouverte et j'ai fait Oh pardon, excuse-moi. Oh là là. Ça, c'est ouf, donc, c'était sympa, plus de voiture, plus de papier, carte grise, plus papier d'identité, plus rien quoi. C'était pas mal. Oh là là, et t'as retrouvé ta bagnole ou pas? Oui, pas dans un bel état. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Ils font des bracos, ils font des cons, ils font des conneries. Je sais pas, je sais que j'ai eu 5 amendes le même jour. Vitesse, c'était pas mal. Ils ont retrouvé la voiture, on va dire, une semaine après, mais sans siège, sans pneus, sans rien du tout. Quoi. Oh là là, et moi j'ai un pote hier qui s'est fait péter sa plaque d'immatriculation sur un scooter. Oh, dur. Je te jure, ouais, il pète la plaque, en fait, après ils la collent et puis ils font les doublettes avec. Et ça, c'est la grosse merde pour t'en séparer après, parce qu'en fait, ils ont ta plaque et c'est toi qui prends toutes les amendes, tous les trucs comme ça. Ah ouais. Et tu peux pas justifier que c'est pas toi, en fait. L'État, c'est la misère, ce truc. C'est la misère. C'est la misère de reporter sur ça. C'est galère. Il faut le signaler avant. Il faut le signaler, mais tout de suite, direct, c'est la misère. Oh là là. C'est bah, même mais comme ça, je peux t'assurer que les amendes, pour les faire sauter, tu luttes. Tu luttes. Bah, tu galères parce que tu faut que tu prouves qu'on t'a volé la voiture. Tu vas au commissariat, tu donnes les papiers, et encore, tu leur donnes les papiers, ils disent non, mais il faut contester, et après, il faut renvoyer les papiers. C'est galère. C'est tout un bordel. Ouais. Putain, c'est la galère. Bah écoute, mon Tanguy, on va te faire un petit cadeau, ok, mon Tanguy? Courage. C'est gentil. Ouais, c'est 87 kilos. 87 kilos, Tanguy. Je vais te dire, c'est pas ça, Tanguy. Je t'embrasse, mon Tanguy. Plein de bisous. Allez, bisous. Ciao, Tanguy. Bisous, mon Tanguy. T'aimes fort. Plein de bisous. Tiens, on a Bastien qui a fait le 0870-42-48. Ça va, Bastien? Allô, ouais, ça va. Ça va. Bastien d'Angoulême qui s'est fait carotte, mais grave. Raconte, Bastien. Bah en fait, j'ai commandé des chaussures sur Asics, je sais pas si je peux le dire, eBay, et en fait, il y a un mec qui est venu me livrer avec une boîte à l'intérieur, et en fait, il y avait une photo de la chaussure à l'intérieur. Ah ouais, et derrière, comment tu dis, bah non, je vendais la photo, il a mal compris. Et sur l'annonce eBay, il y avait écrit quoi, photo ou pas? Bah, avec photo, mais il y avait la chaussure, vent chaussure, 41, 200 euros, tout, des belles chaussures. Et moi, je pensais recevoir, et en fait, j'ai reçu, et je reçois une photo. C'est un beau poster, au moins. C'est chaud. Oh là là, mais c'est quoi cette histoire? Et tu t'en es sorti, Bastien? Ils t'ont remboursé, ils t'ont fait quoi? Bah, non, en fait, j'ai pas été remboursé, parce que j'ai pas compris, en fait. Et le monsieur dit, c'est la livraison. Bah, ouais. J'ai pris la boîte, et là, je me retrouve comme un con. Et en fait, je sais pas comment faire, en fait. Et ah ouais, c'est une galère, ça. Ça vous est arrivé, tiens, JM? C'est arrivé à un pote vite fait. En fait, il a commandé sur un site un peu chelou et tout, un faux maillot de l'OM. Ouais. Et il voulait le maillot, le short et les chaussettes. Ouais. Les chaussettes, il les voulait en 46. Donc, dans le mail, il a écrit, s'il vous plaît, mettez-moi les chaussettes en 46. Ouais. Et il s'est pas retrouvé avec le flocage du maillot, chaussettes numéro 46. Non. Je te jure que c'est vrai. En fait, c'est une vidéo qui tourne, c'est un collègue qui l'a montré, mais elle est énorme, la vidéo. Ah, c'est énorme, ça vous est arrivé de pas avoir la bonne commande, Sarah? Bah oui, moi, comme dans la vérité, si je mens, en fait, j'avais commandé une belle robe, tu vois. Ouais. Sauf que elle est arrivée, mais c'était en mode format poupée. En fait, sur le mannequin du site, c'était une poupée, tu vois. Et ils se sont justifiés comme ça. J'ai payé 100 balles pour rien. T'as payé 100 balles pour rien. Ah, l'arnaque est valable. Donc ça veut dire que toi, Bastien, tu vas mettre ta photocopie au YEP. Les gars vont se balader avec deux polycopiés. Bon, écoute, Bastien, tu vas repartir avec un cadeau. Puis si vous avez des nouvelles pour Bastien, là, ricochetenergie.com. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui s'est fait avoir et qui a réussi à s'en sortir, n'hésitez pas, les copains. Ok, mon Bastien, on est avec toi. Merci. T'embrasse, mon petit Bastien. Salut. On t'aime. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao, Bastien. C'est vrai que c'est pas évident de se faire. Ah ouais. Ah ouais. Non mais c'est chaud. Mais moi je pensais à une autre arnaque par rapport à la voiture. Il y avait quelqu'un que c'était un ennemi. Hein, c'était pas du tout mon ami. Ce qu'il faisait en fait, il créait des accidents devant un garage d'un pote à lui. Non. Ouais, je te jure. Et après donc forcément la personne venait d'être accidentée. Elle va au garage juste le plus proche. Et là il lui a inventé des problèmes de fou dans la caisse et il le plumait. C'est pas vrai. Ouais, je te la jure, grande dégueulasse, dégueulasse. Oh l'horreur. Les amis, vous entendez ça? Les nouvelles Spice Girls, les Little Mix qui seront là. Vraiment, c'est un star. C'est des stars. Ouais. C'est des stars. Millions, millions, millions, millions et millions de vues. On va les avoir au téléphone. From America. Il y aura Elsa qui sera là pour traduire. Eh bien, ce que je dis, je vais pas me donner à l'anglais. Les gars, ça va être énorme. From America, elles sont anglaises déjà, je démarre. Ouais, c'est anglaise, ouais. From America. Dès que ça parle anglais, moi, c'est un burger. Ton anglais, c'est une arnaque. Hein. Ouais, merci, Sylvain. Vas-y, présente-toi en anglais deux secondes. I fine. Hey, tu sais quoi? You finish. You stop. Allez, on les récupère juste après Kaiser Panda à découvrir. Hein, si vous les connaissez pas, ce sont des énormes stars en Angleterre. On va les taquiner un petit peu, on va rigoler. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche es muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la carne. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me flow como Yandel. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. Dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam. La Hindi mashup. Bogotá para rumbear y Boja para danzar. Muy bien con todos los hábitos. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacita. Todo el mundo quiere, todas las mami no quieren. Sé que prefiere, mami tu cuerpo no miente. La gente mashup, Bogotá para rumbear y Boja para danzar. Muy llego todos ya, Pitbull y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente mashup, la gente quiere fiesta y rumba. Ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pull up, vamos. Preguntaré a la gente, que la mía. Allez les amis, on est là jusqu'à 23h. Les Little Mix sont là. Le Rico Show. Le Rico Show. Rejoignez la famille. 20h-23h. Tous les soirs sur Énergie. Et oui les amis, Elsa Najar nous a rejoint. Trop content que tu sois là, Maëlza, pour nous traduire. Les Little Mix sont au téléphone. Alors c'est un girls band, hein, anglais qui cartonne. Elles ont notamment cartonné sur X Factor, la 8e saison là qu'elles ont remportée. C'est le seul groupe à avoir gagné l'émission. Alors il y a Leifan, Perry, Jed, Jesse. Yeah. Eh ouais les gars, on y est. Yeah. Et on va les récupérer tout de suite. D'ailleurs, on va prendre Jesse au téléphone. Ah, cool. Hi Jesse. Hello. I'm great. How are you guys? Good. Est-ce que tu peux nous dire quel est le secret de votre groupe qui reste depuis 7 ans, 7 années que vous êtes ensemble? Franchement, c'est magnifique. Tous les groupes se séparent et vous, vous faites qu'un malgré les années qui passent. Ooh, well, I think we're just all on the same page, really. We all want the same thing. We're all equal in the group. Mm-hmm. There's no big egos, you know, we're not competing with each other. Elles veulent toutes la même chose, elles sont sur la même longueur d'onde, il n'y a pas d'histoire d'ego ou de compétition. Elles font tout ça, toute la même chose pour atteindre un but en commun, quoi. Ça change de l'équipe de l'émission. Not like the team of this show. C'est très différent. Alors, Little Mix, les amis, c'est ça. Oh, c'est bon. Oh, yeah. C'est ça aussi. Ça tue, ça. Oh là là. Oh, c'est et bon. C'est ça aussi, les amis. Ah, j'adore cette chanson. C'est un vrai carton. Ouais. Grave. Alors, Elsa, est-ce que tu peux demander à Jessie si elle sait qu'elle a plus de 650 000 fans ici en France? One minute. No, I didn't know that. I know we have a lot of them. Alors, elle savait qu'elle avait beaucoup, mais elle savait pas qu'elle avait autant. Ah oui, dans l'équipe, on est complètement fan des Little Mix. Est-ce qu'elle a un mot justement pour les auditeurs français qui écoutent? Yeah, just a massive thank you, really, yeah, for being patient, for still being so loyal to us, and we are hoping to come to France before Christmas. Alors, elle remercie pour leur patience justement et pour leur loyauté. Elle les aime et elles espèrent venir en France peut-être avant Noël. Ah, c'est une chance. Alors, on aimerait lui poser des questions sur la France. Qu'est-ce qu'elle pense déjà de notre pays? Oh, well, I love France. Who doesn't? Elle adore. Et qui n'aime pas la France? Ah, bah ouais, c'est le plus beau pays. Et en plus, avec les Little Mix, là, c'est sûr, c'est le plus beau pays du monde. I think so. It's where me and my boyfriend fell in love. Wow. Ah, elle et son petit ami sont tombés amoureux ici. Oh, c'est beau. Elle vient de faire beaucoup de déçus. A lot of people are going to be disappointed to hear you say that. Alors, Jessie, on va faire un quiz sur la France. Oh no, okay. Alors, Jessie, est-ce que tu es plus baguette ou camembert? Oh, definitely baguette. I'm a big bread fan. Ah. J'adore le pain, donc sans hésiter, baguette. C'est fort, c'est fort. Est-ce qu'elle préfère les escargots ou la grenouille? Oh, well, I've tried snails and I really didn't like them. So alors, elle a essayé les escargots, elle n'a pas du tout kiffé. Non, elle n'a pas kiffé. Elle va dire grenouille. Bon, d'accord, on lui servira des grenouilles. Alors, French kiss ou French accent? French kiss. Ah, ok, on est pressé de la recevoir. Alors, est-ce qu'elle peut nous dire quelques mots en français ou elle préfère garder le silence? J'adore. Ah, j'aime bien. Ça va? Comment oui, ça bonjour, va? Ça va et toi? Ah, très bien, merci. Waouh, bravo! Oh, non, pas mal! Merci, Laura. Jessie, justement, en parlant des fans français, on a quelqu'un au téléphone qui est un fan, mais absolu des Little Mix et qui aimerait lui poser quelques questions et lui parler. Il est avec nous. Perfect, thank you. Anthony, est-ce que t'es là, mon poulet? Oui, oui. Merci d'avoir fait le 0870 42 48. Anthony, Jessie est là, elle t'entend. Tu peux lui poser une question. On t'écoute, mon Anthony. Hi, Jade. Hi, how are you? How are you? I'm fine. Excuse-nous. I'm great. Nice to hear you again. On dérange? I don't know if you remember this, but I met you in Disneyland like a month ago. Ah, ils se sont vus à Disneyland il y a un mois, apparemment. Non. Et elle s'en rappelle. That is so weird. Okay. Yes, I remember you. Voilà, elle dit qu'elle se rappelle de lui. Ah waouh, le gars ne la lâche pas. Ah ouais. Le gars ne calcule pas. Anthony, elle est gentille, Jessie. Ah oui, elle est adorable. Oh, he was so sweet at Disneyland. It was really nice to bump into you and get a picture. Bah alors lui aussi, apparemment, il a été super chou lorsqu'elle l'a rencontré à Disneyland et elle a même pris une photo avec lui. Waouh, bah écoute. Bonne mémoire. Anthony, ça te fait plaisir de pouvoir lui parler à nouveau alors. Ah oui, oui, vraiment. Bon, bah merci Anthony d'être passé, d'avoir fait un bisou à Jessie. On t'embrasse et merci d'écouter le Rico Show. Salut mon Anthony. Merci ciao à vous. Bisous. Bonne soirée. Bye bye. Ciao. Alors Jessie, on a pu voir sur le MTV, c'est vrai qu'ils ont eu une récompense. Et on a vu cette magnifique prestation avec Nicki Minaj. Amazing. Incroyable, ouais. Very surreal. C'est énorme. We'll be right back. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment c'était la collaboration avec Nicki Minaj? Oh, well, we've wanted to work with Nicki for years, so it was amazing to finally get her on a song. And she was so lovely. We spoke to her properly at the AMAs. She's been so supportive. She's like a fifth member. She's the same height. If not, she's a bit smaller, so... Yeah, en fait, ça faisait super longtemps qu'elle voulait vraiment travailler avec elle et du coup qu'elle fasse la chanson avec, c'était un honneur immense pour elle. D'accord. Donc elles sont vues effectivement au EMAs sur MTV et elle était tellement cool avec eux qu'elle a l'impression que c'était une cinquième membre du groupe, quoi. Vraiment vrai, adorable. Vrai. À ce point-là, est-ce que on sent vraiment qu'elle est girl power dans tout ce qu'ils font là dans le groupe, elle aussi en particulier, Jessie. Est-ce qu'ils ont un message à véhiculer aux jeunes femmes d'aujourd'hui? Particularly like on social media and stuff, there's this whole obsession with how you should look as women and how perfect you have to be, and it doesn't really exist. So we're trying to sort of spread the message with our new music that being yourself is okay and you're beautiful as you are, as the woman you are. Okay. Ouais, en fait, elle dit que surtout avec les réseaux sociaux de nos jours, elles ont l'impression qu'il y a beaucoup trop de gens qui basent les choses sur le paraître il faut être d'une certaine manière lorsqu'on est une femme et que elles, justement à travers leur musique, elles essaient vraiment de faire passer le message que voilà, il faut être comme on est et pas faire attention à ces choses-là en fait. Bravo Jessie. Alors avant de terminer, on va pas la laisser partir tant qu'elle nous aura pas donné un dossier, une chose un peu confidentielle sur chacune de ses copines, des choses qu'on ne sait pas. Yes. Or else you can't leave. Please Jessie. Please. Leanne, she is very super, super loved up right now, and I think she's hoping to pop the question at some point. Alors Leanne est apparemment très, très amoureuse en ce moment et elle attend une certaine question de la part de son petit ami. Ok. Elle scoop, voilà. Je vais lui poser le mariage. Bon. Yeah. Voilà. Wedding. Okay. Okay. Jed. Anything. We'll take anything. Elle dit que c'est dur. I know, on the spot it's hard. We'll take anything. Je dis, on prend tout. Hein. Ouais, même elle dort avec ses chaussettes, non? Did she sleep with socks on, maybe? Something like that. Even something like that will make us happy. Maybe. Peut-être. Ok, j'ai appris. She has a massive obsession with Disney, so she's probably in a Disney pajama. So. Alors, elle est très obsédée par tout ce qui est Disney, donc elle a sûrement un pyjama Disney. D'accord, on aime beaucoup. Okay. Et sur Perry, qui n'est pas là aujourd'hui. What about something about Perry that's not here today? Perry is a big foodie. She loves her food. I don't know if you saw, she just posted that when we were on the set for Woman Like Me shooting the video, she ate like 8 samosas and she was, she ate far too much. Ok, en fait, elle aime beaucoup manger, Perry, et elle ne sait pas si on a vu, mais en fait, elle a posté une photo sur le plateau de la vidéo de Woman Like You, où elle a un peu trop mangé, apparemment. Ah bon, d'accord. Elle mange beaucoup, beaucoup. Bon, voilà. On sait maintenant comment les recevoir à Énergie dans quelques temps. Ici, sur Paris, elles seront reçues comme des reines, avec chacune ce qu'elles attendent de nous. Yes, plenty baguettes. Voilà, plein de baguettes, plein de trucs Disney, plein de bouffe. Ok, thank you Jessie, we love you. Thank you, it was nice thank talking you. To you. Bye. Bye. Bye bye. Bye. C'était le Little Mix sur Énergie, les amis. Quel bonheur de les avoir avec nous et que Jessie ait pu prendre un petit peu de temps avec nous pour discuter. Franchement, c'est une chance. Wow. Ces jeunes filles sont suivies par des millions de personnes à travers la planète et elles étaient là rien que pour vous, les copains d'Énergie. C'était les Little Mix. Ouais. Oh là. Elle est chaude. Faudrait qu'on les pêche chaud. Elles ont l'air sympas. Il manque qu'elle débarque ici, les amis. On termine sur Mon Poids. On rend l'antenne derrière. Oui. On se retrouvera lundi pour pas mal de délire. Alors, Mon Poids, Sylvain, tu penses à combien? Vas-y, 90. JM. 86. Sarah. 82. Aucun nabon, les amis. Aucun nabon. Je vais récupérer, tiens, Jérémy. Ça va, Jérémy? Salut Rico, salut toute l'équipe. Salut, on pourrait t'appeler 0870-42-48 pour gagner un beau cadeau. À ton avis, combien je pèse? Alors moi, je propose 85 kilos. C'est mort, Jérémy, c'est mort. Je te fais un petit cadeau quand même, mais pas le gros, le petit. Je t'embrasse, mon Jérémy. Bisous, Jérémy. Même après, t'es aux toilettes? Ah écoute, j'essaye, mais je me suis pesé avant, Jérémy. Je t'embrasse, mon poulet. Je peux faire une petite dédicace? Vas-y, Jérémy. Vas-y. Allez, je fais une dédicace à Meumeu, à Marmuse, à Mad, à Kev, à Pop et à la team. Eh ben, on embrasse tout le monde. Merci, mon Jérémy. Dimitri, 0870 42 48. Alors, mon Dimitri, ça va? Salut. Salut, Rico, ça va? Alors, combien je pèse, mon poulet? À 89 kilos, moi. C'est gagné! Ouais! Merci. Dimitri, tu remportes ton enceinte, ton voyage, ton casque, tu choisis ce que tu veux derrière. Je t'embrasse, Dimitri, bravo. Merci, salut. À vos petits cochons. Un petit cochon, ah, t'auras jamais autant fait gagner. 1m87, 30 kilos. Mais tu les mets où, les 89 dans ton cul ou quoi? Ah, non, mais les gars, je fais un peu de sport quand même dans ma vie. Ouais, c'est ça. On appelle la droite magique. Oui. Allez, les amis, merci de nous avoir suivis. Je vous kiffe tellement. Franchement, c'est régalé cette semaine. Et à partir de lundi, nouveau concept avec Malik, qui sera agent immobilier. Stéphane Malikouille. Vous allez voir, ça va buzzer. Hein. Recherche appart ou merdouille. Le Tinder de la peur, tous vos délires. Soyez bien là dès lundi 20h. Faites attention ce week-end. Sur la tease et tout. Prends pas le volant si on est cuit. Ouais. Hein, on fait attention, les amis. On prend une voiture. Je vous aime très fort. N'oubliez pas l'important de la vie. C'est de faire ce qu'on aime. Allez, les amis, c'est Mickaël maintenant. Je vous aime très fort. Bon week-end. Bon week-end à lundi 20h. Je vous aime. Ciao. Alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Eh bah, ben bonne soirée tout le monde, bienvenue à vous si vous arrivez, c'est Mickaël, on est sur Énergie comme tous les soirs et c'est parti pour d'ailleurs déjà la dernière de la semaine. Ils sont de retour. Ils sont de retour. Ils t'ont manqué. Ah non, mais je... Ils t'ont manqué. Non. Ils sont là. Là. Mickaël, Tof, Polo et Amina. De retour des USA. Pour de nouvelles aventures. On est en novembre. Le froid est de retour. Il s'installe pour un moment. Mais prends le temps de penser et de rêver. Mickaël, Tof, Polo et Amina sont de retour du Miami. La chaleur, la plage, le soleil. C'est terminé. C'est terminé. Rappelons-nous du passé. Après avoir fait un long voyage, ils sont là. Pour toi. Pour toi. tropicale à bronzer à la plage. Toff a passé son temps en sandales romaines. Polo s'est fait expulser. Amina a encore raté son avion. Et deux fois de suite, ils se sont battus avec des animaux étranges venus envahir leur maison. Toutes ces épreuves leur ont permis de se remettre en question. Ils ont découvert qui ils étaient. Toff a lutté à mort avec une blatte. Polo a roulé à fond dans les rues de Miami. Amina a fait le mur pour faire la fête. Des aventures et encore des histoires. À croire qu'ils le font exprès. Ça va durer encore longtemps ? Non. Seul l'avenir nous le dira. Mickaël sur Énergie. Dès 23h. Du lundi au vendredi. Et sur Facebook, Twitter et Insta. Mickaël officiel. Et oui, on est sur Énergie pour la dernière de la semaine. Déjà, bienvenue si vous arrivez. On est là donc, hein, 01 40 71 5000 si vous voulez passer dans l'émission. Et ben, vous êtes les bienvenus comme d'habitude. Hein. Pas plus compliqué que ça. Hein, comme d'habitude. Ça n'est jamais compliqué. Bah voilà, voilà. Amina, elle va bien, en pleine forme pour la dernière de la semaine, évidemment. Attends, Amina qui n'a pas encore mis son micro, comme son casque, évidemment, comme d'habitude. Bon, c'est pas grave. Amina que nous allons prendre dans quelques instants, c'est pas grave. Toff va bien? Évidemment qu'il va bien. Toff, il bouffe. Ordure, fumier. Saloperie, il va. Bon, Polo va bien également. Il va très bien. Et Mickaël, il va bien? Bah écoute, ça va pas mal. Ça va pas mal. Dernière de la semaine, elle est cool. Tranquille. Ça va, pépère, quoi, pépère. Yael est avec nous également. Bonsoir, Yael. Bonsoir. Bah mais je te dis bonsoir, t'as pas ton micro, ton casque ou je sais pas quoi là. Bonsoir. Tu t'en battais les couilles, oui, tu nous répondais même pas, tu nous as snobé. Elle était avec Yael, elle préfère. Alors, Yael. Bonsoir le monde, mais pas bonsoir l'équipe, puisque oui, il y a des gens qui travaillent en fait ici. Ouais, bah, parce que nous on prend les rien, tiens, bah voyons. Mais, oui, bah oui. Non mais bah, je rêve, oui. non mais attends, je rêve. Je crois rêver là. On arrête, hein. Oh là. Retiens-moi Yael, retiens. Bon, ça va Yael. De quoi ? T'es en forme, Yael ? Ça a l'air. Ouais, je suis en forme, ouais, bon. Ça va. Bah, tant mieux. Bah, d'ailleurs, encore plus en forme après, puisqu'il y a Drake qui va arriver dans un instant, tiens. T'aimes bien Drake ? Ouais, j'aime bien. Ouais, il y aura aussi Z. Ah, bah, cool. Happy Now. You're a world away. Et mon son préféré pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a, Yael ? J'aime bien ce genre de chanson. Ah, bah tant mieux. Je vous écoute depuis l'âge de mes 15 ans. Depuis tes 15 ans? Ah ouais, ça fait 17 piges. Ça commence à faire, ouais. C'est, bah, c'est bien, Yael. J'ai 33. C'est bien, c'est bien. Ah, t'as 33. Par contre, arrête de hurler dans ton téléphone, Yael, ou enlève le kit main libre ou décolle ton téléphone de ta joue. Donc, il y aura Imagine Dragons également dans un instant, voilà. Voilà. Bon, ce soir on va également se faire un petit caroupé exceptionnellement, puisque comme vous le savez, le tribunal de Charleroi est en vacances forcées. Hein. Voilà, puisque il est en congé. Voilà, il est en congé jusqu'en janvier, fait chier, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, on va faire de temps en temps un caroupé, de temps en temps un autre jeu. On verra bien. Bon, ce soir c'est le caroupé. On fera le jeu du Bollywood également. Si vous voulez jouer, 01 40 71 5000, vous faites croire à la personne de votre choix que vous avez fait une sextape ou un film porno et qu'aujourd'hui vous avez besoin de son aide, soit pour jouer à votre place, soit pour payer que vous puissiez vous en sortir sans que la vidéo soit diffusée sur ça les réseaux sociaux. Ça fait des frais d'utiliser. Bah voilà, exactement. Donc du coup, faut bien payer Roberto. Hein. Roberto, qui est déjà avec nous, comment allez-vous? Ça va, que je suis là, que je suis content qu'on est revenu de Miami. Là. Ah oui, là, vous avez vu hein, ça. Oui. Vous étiez à Miami? Ah oui, il a passé du temps avec Emina. Apparemment, il y a des visites. Ah, pas du tout. Ah, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Non, il a inventé, je l'ai pas croisé une seule fois, donc je sais pas où il était, mais moi, j'ai pas vu ce mec. Bah, Dieu merci. Je sais pas. Bah, Roberto, vous n'avez pas passé du temps avec Emina? Elle fait semblant, elle est timide, vous savez comment elle est. Ah d'accord. Okay. Non, cet homme est un malade qui doit être enfermé, mais bon. Ah d'accord, c'est ça l'histoire alors. Oui, bon. C'est ça qu'elle aime quand on l'est enfermé. Oh, ouais, bon, bien très sûr. Bien. Bon, donc le Bollywood sera tout à l'heure. On aura le jeu de la confidence, les appels bienveillants, le polo show, extravagance après, mais on a le temps.